Vous me direz un petit peu d'abus de transparence. Là. Juste pour ceux qui se posent la question, pourquoi vous venez de vivre un extrême gros moment de déjà-vu tantôt? Tu sais, la portion entre 6h30 et 7h30 qui s'appelle à l'interne assemblage prérequis. Oui. C'est une comme ça. D'habitude, c'est la deuxième heure de l'émission d'avant. Donc, logiquement, aujourd'hui, ça a été la deuxième heure de l'émission de mercredi parce qu'on est jeudi matin, 7h31. Là, c'était une deuxième diffusion de la deuxième heure de mardi. C'est mon erreur. Je vais essayer de ne pas refaire ça. Okay. Ah, oh. C'est ça. C'était désolé pour le déjà-vu. Et maintenant, de retour à Assemblage requis. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. David Ferron viendra nous faire écouter de la musique franco avec la langue dans ton oreille. Joanie Gagnon fera le tour des sorties à venir dans son segment Alors on sort. Et je vous apprendrai comment mieux vivre avec les instructions d'Assemblage. Assemblage requis commence maintenant. Bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 26 septembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante et Jean-Philippe Charbonneau va être de retour lundi, bien sûr. Oui. Ah, oh non, excuse-moi, t'es là. On l'a pré-tapé. J'ai, ouais, excuse-moi, j'ai comme perdu l'habitude d'avoir quelqu'un qui parlait. Une fois sur deux. C'est ça, une fois sur c'est deux. C'est une bonne moyenne à abattre, ça. Ouais. On peut que s'améliorer. C'est ça. Non, ouais. On préfère tellement jouer une mot de crasse avec ça. Oui, on est prêt. On ferait pas ça en ondes. On est prêt. On est prêt. Toujours prêt. Oui. Bon, donc, on se donne un coup de main? Non. Non. Donc, donne-moi 5. Donne-moi 5. Oui. 5 pouces. 5 pouces. 5 pouces. 12 $. 5 pouces. Salut Jean-Philippe Charbonneau. Comment ça va, Mathieu? Ça va très bien, toi? Oui. Oui. Oui. En forme? Ça va. Je suis sur le café. Sur le café par infusion. Ouais. C'est pas du thé, ça, la fusion? Direct dedans. Oui. C'est que mes pipes, man. Ouais, je bats du 400. Oui. 400 sachets de sucre. Oui, dans ton par café. Jour. Donc aujourd'hui, à l'émission, on a David Ferron. Oui. À 8h pour la langue dans ton oreille. Lui qui va nous présenter une chronique sur l'automne aujourd'hui. C'est le fun. C'est Il est d'adon. Ça vient de commencer il y a quelques jours. On a appris que c'était le 22. Deux, évidemment. Ensuite de ça, à 9h, Joanie Gagnon. Et alors, on sort et nous parle des sorties à faire dans la région et ailleurs, avec un petit peu de musique autour de ça. Mm-hmm. On n'a pas, vous aurez remarqué par le manque de le dire, son nom, François Landry. Ben non. C'est pas, ça n'aura pas lieu aujourd'hui, mais il va être de retour la semaine prochaine. Oui, je vois passer, on a vu passer l'exécutif quasiment au complet de l'AGE, donc j'imagine qu'il se passe quelque chose. La meute. Oui, la meute. La meute. Mais c'est ça, c'est peut-être pour compenser pour les deux chroniques qu'il a fait où tu n'étais pas là. Ah, peut-être. Il s'est dit, je vais arrêter. Il est là, on là. On va faire pareil, moi. Il va voir comment on se sent. sinon, ben, pour compenser, on fera deux chroniques maison. Les instructions d'assemblage. Oui. Ils s'en viennent tantôt pour des trucs et astuces. Et, si tu veux bien m'aider avec ça, son foutu palmarès. Avec plaisir. Génial. Commençons l'émission en musique avec un extrait du palmarès anglophone qu'on entend un petit peu moins et qui va commencer très, très bien l'émission pour bien vous réveiller. Mm-hmm. Smoothie. Un smoothie. Un smoothie. Pour les oreilles. Ouais. Pas de grumeaux. Non, pas de grumeaux. Ça dépend. OK. Moi, j'aime bien les petits morceaux de fruits des fois. Tu sais, les framboises, pas une moi, les graines, là. Toi, là, donne-moi 5. Donne-moi 5. Wouh! Voici Fur Trade et Don't Get Heavy. Sur C'est fou. Parle de lourdeur. Un pénis, ouais. Ouais, ouais. Je fais ce que je peux. We can talk, or we can dream. We can talk, or we can just think about the fact that we're losing touch. About the fact. On dirait Docteur Doogie. Tout, tout, tout, tout. Tout, tout, tout, tout. C'était pas Docteur Doogie? Je sais pas. Docteur Doogie. Ça disait ça dedans. Non, ça disait pas ça dedans. C'était Don't Get Heavy par Fur Trade, référence oui, des années 80 que personne comprend. Ça ne dérange pas, moi j'en fais, puis quand même ceux qui la comprennent. Ben, Gary. Yaris. Yaris comme un char! Wow! Et ring ding ding ding ding ding, ring ding ding ding ding, voici son foutu palmarès. C'est son foutu palmarès, la chronique où on se fait une liste de quelque chose parce que les listes c'est à la mode et Jean-Philippe est un gars qui aime suivre les modes. Ah, je suis un gars de même, je suis un gars de même. T'es en mode suivons le mode. Suivons le mode. Et aujourd'hui on parle de cuisine, Jean-Philippe. Oui, monsieur. Écoute, on va faire un petit top 11. Un top 11. Ok, ben oui, c'est un original aussi. Ouais, ben non, moi les conventions, là, non. Fuck le système. C'est ça. Hier, j'ai downloadé iOS 7. Puis j'ai essayé Siri, voir comment elle avait changé. Elle a changé un peu d'intonation. Oui, sa voix est plus... arrogante. Plus arrogante. Non, je sais pas, je la trouve moins... ça coule moins. En tout cas, moi je l'ai en français. Je sais pas, tu le... Je l'ai en français aussi. Mais toi, t'es habitué à ce que ça coule parce que ton téléphone a de l'eau, littéralement. Dedans, oui. Ça me semble que t'as réussi à installer iOS 7 parce qu'on sait que ton alarme marche pas dessus. Non. Ben, ou elle marche, ou je l'entends pas. OK. Un ou l'autre, comme disait l'autre. Mais non, ça marche bien. Et puis, je fais encore quelques traitements au riz, de temps en temps. Je le mets encore dans le riz. OK. Mais, sur soya un peu? Ouais. Puis là, je commence à avoir de la misère avec ma charge. Mais je pense que le 5 s'en vient sous peu, peut-être oui. Avant les fêtes. Je te le souhaite. Mais je me souhaite aussi, que quand même, il y a de l'air le fun. Ouais, bon, le 5S, parce que le 5, je sais pas si tu vas pouvoir l'avoir. Non, c'est ça. Peut-être sur le marché noir. On fera ça dans une chronique geek à la place. Oui, c'est ça. Mais en parlant de trucs geek, justement, je vous propose quelques... là, il y a ambiguïté. Parce que c'est un top des gadgets super geek pour la cuisine. Ouais. Puis là, en lisant les commentaires sur la page web, la première chose qui est marquée, c'est comme balus parce que les affaires geek, là, c'est pas vraiment ça. OK. Fait que, en fait, c'est plus des gadgets pour cuisine qui sont drôles. Ben, c'est que juste des geeks qui achèteraient des gadgets pour la cuisine comme ceux-là. Parce que je veux dire, à un moment donné, les gens qui font de la cuisine normale n'ont pas besoin de ces cassins-là. Là. Ouais. Ils sont capables de cuisiner. T'sais. Ouais, parce que. Bon, en tout cas, on s'en reparle plus tard. OK. Mais puis on essaiera de juger, voir si c'était geek ou pas. Finalement. Parfait. Donc, le premier gadget, c'est un casse-toi. À l'effigie de Hillary Clinton. Donc, tu sais, pour, mettons, une bonne noix de pacane. Ou les testicules de Bill Clinton. Oui, un ou l'autre. Donc, tout fait de stainless steel. C'est fait pour casser les grosses noix. Oh, c'est marqué sur l'emballage. Grosses noix. Ouais. Donc, aucun problème avec ça. Mais... après ça, on a la salière et la poivrière à l'effigie ou en forme de Space Invaders. Cool, comme un petit peu mon chandail qui a du Space Invaders dessus. Oui, exactement. Ouais. Donc, très pixelisé. C'est quand même très, très, très, très le fun. C'est mon look préféré. Ouais. Donc, c'est ça. C'est rien de plus compliqué que ça. Je pense que ça se dit. Après ça, on a le Milkshaker en forme de pit de vache. À la place de shaker à vache avant de sortir le lait de là puis qu'il soit pré-shake. Oui, mais écoute, en fait, c'est plus un contenant à lait. Ah. Tu sais, au lieu d'avoir la poche transparente oui. Là, dans ton truc pour verser, tu verserais cette poche-là dans ce pot-là. Okay. Et puis après ça, pour te servir, ben tu... Hey, c'est du trouble, hein, ça? Ouais. Moi, je comprends déjà pas comment ça que les gens achètent encore des sacs de plastique de lait. C'est pas... Ça marche mal, c'est tout le temps... Mais ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Ah, ouais. C'est ça, hein? C'est juste ça. Ah, OK. C'est vraiment juste ça. Parce qu'on fait ça à la maison, puis moi aussi, j'haïsse ça. On est fancy avec le carton de lait. Ben oui, mais le trou du plastique est toujours trop petit. Ou trop grand. C'est ça. Il est jamais parfait. Trop petit, c'est pire. Grand, tu t'habitues, mais trop petit, c'est parce que là, tu verses pendant 3 heures. Ah, tu vois, moi, je suis d'avis contraire. Ah, ouais, OK. Ouais. Ouais. On pourra en faire une autre chronique. Donc voilà, le pit de vache pour servir le lait. Après ça, on a. Bon, ça, c'est cute. C'est. Tu sais, mettons tes guinées à linge pour laver... Tes torchons pour essuyer la vaisselle. Tu sais jamais quoi en faire. Tu la mets tout le temps sur la porte du four, ça tombe. Mais ben là, c'est un porte-serviette d'un porte-torchon, mais en forme de fesses de chat. Fait que tu y rentres, dans le fond, le, c'est comme un rond coupé en quatre. Ouais, genre, en quatre. Un plus, mettons. Ouais, exactement, un plus. Comme ça, tu insères ton torchon dedans, puis ça tient. Je te dirais une croix, je leur dirais un plus. Ouais, un fait plus. Que là, c'est vraiment dans les fesses du wow. chat. Wow, y a-t-il une queue avec ça? Mais c'est ça que ça fait. Ça fait un peu la queue, mais ça fait aussi les fesses. C'est beau. Ouais. Après ça, le fameux grippin Star Wars, tout noir avec le logo de Star Wars. Et puis, dans le fond, ça fait griller ta toast en forme de Darth Vader. Ah! Donc, tu penches, tu prends à moitié mou, puis l'autre à moitié brûlé. Belle fun. On a après ça, le requin à infuser. Un requin comme les autres stars d'assemblage requis. Exactement. Donc, tu veux faire un bon petit thé là, à la maison. Et bien, dans le fond, le couvercle de cet infuseur a une nage de requin. Et puis, ça flotte. OK. Et ce que je vois sur la photo, c'est que si ton thé, mettons, est rouge ou orange, il va avoir l'air de sortir dans l'eau comme si c'était du sang. Comme si c'était du sang, oui. Mais tu peux pas faire ça avec du Earl Grey. C'est ton préféré, ça. C'est celui que tout le monde a. Mon oncle, oui, c'est ça. Tout le monde a ça. Le prochain, tu vas sûrement aimer ça, Mathieu. C'est les gants de four pour sortir tes plats chauds en forme de pointeur. La main, là, Pour cliquer sur un lien. Pour cliquer sur un lien sur un PC, mettons. C'est beau. Donc, quand même le fun. C'est intéressant. On a par la suite toute la panoplie des ustensiles et trucs pour manger Lego. Okay. Donc on a le genre de récipient pour faire de la glace en forme de Lego. On a fourchette, couteau, cuillère. Fourchette, couteau, cuillère, on dit toujours ça dans l'ordre. Fourchette, ouais. Couteau, cuillère, fourchette, couteau. Couteau, cuillère, je sais pas. Non, en tout cas, ils sonnent tous bien dans ma bouche. Ouais, bon, en tout cas, ça doit pas être super agréable, mais tu sais, le manche, dans le fond, est fait en forme de Lego. La salière poivrière en forme de Lego, etc. C'est pas fait pour être utilisé, c'est fait pour montrer ça. Ouais, pense. Exactement. Ouais. Des objets de collection. On a après ça la poubelle en forme de R2-D2. Oh. C'est quand même, c'est cute, mais il faut que ça fit. C'est pour Steph, ça. Ouais, moi, je sais pas si ça fitterait chez nous, mais c'est drôle. Oups, là, j'ai cliqué sur mon préféré. On a l'avant-dernier, donc le 10, pardon. C'est un porte-couteau en forme de tête humaine. Ben là. Oui. Ben là. Sure. Déplacé. Quand même. Ben là. C'est pas super accueillant. Non. Okay. Mettons que si les témoins de Jéhovah viennent ce journée-là, c'est la journée parfaite pour sortir, ça. Ou les enfants à l'Halloween. Oui, c'est ça. Donc, vraiment, littéralement, c'est juste pour placer ses couteaux dans la tête de la personne. C'est comme porte-couteau. Et le dernier, c'est mon préféré. Je savais pas que ça existait. C'est un séparateur d'œufs. Je sais pas si t'as déjà séparé des œufs blancs d'œufs, jaunes d'œufs. J'ai déjà vu quelqu'un le faire. Ouais, ben tu sais, de toute façon, peu importe. Mais mettons, le blanc d'œuf, tu sais comment c'est visqueux, coulant. Mais dans le fond, ce que tu fais, c'est tu mets ça dans ta tasse. C'est une genre de petite tasse. Et puis, le jaune va rester dedans. Et puis, sur la tasse, il y a comme un visage d'un... Tu sais, vraiment comme... C'est pas un cartoon, mais c'est vraiment un visage, je trouve, typique. Tu sais, un monsieur avec un gros nez. Une caricature. Ouais, une caricature de quelqu'un qui est malade. Et puis, le blanc d'œuf sort par le nez de la personne. Fait que ça fait comme un gros coulis de morve. Ah, c'est beau, c'est chic. Mais écoute, je sais pas si t'as vu la photo. Celle-là, je pourrais peut-être la mettre sur Rassemblage requis. Il y a des pubs qui arrivent. Mais regarde ce que ça... Oh! Tu sais, ça... C'est donc ben laid, mais beau en même temps. Puis, t'en veux un, Oui, mais je sais pas. Je sais pas, parce que pour de vrai, c'est pas si compliqué séparer un œuf. Tu sais, je trouve ça vraiment plus de trouble. Sortir ça, mettre ça là, après ça, le laver. On a fait l'erreur d'acheter, tu sais, il annonçait à télé un truc pour justement, dans le fond, tu prends l'œuf avec des pinces, puis quand tu appuies sur la pince, ça casse l'œuf en deux et garde le jaune dans un petit contenant, mais tout ça dans la pince, t'as pas touché à l'œuf encore. OK. Après ça, tu peux comme verser le blanc et le jaune dans on s'en sert pas. C'est ben trop compliqué. Ben non, c'est ça. Mais est-ce que ça marche? Ça marche. Ah, oui, ça marche. Ça, c'est un easy cracking egg cracker. Egg cracker. Ouais. Egg cracker. Next easy crack. Ah voilà, fait que ça fait le top 11 des gadgets super geek pour la cuisine. Donc, qu'est-ce que t'en penses finalement sur le geek? Pas tant geek que ça. Non, hein? Non, si ça avait été un robot qui avait cassé l'œuf, mettons que t'avais appuyé sur un bouton, ça aurait fait... Ça, ouais. Ça, c'est geek. Oui, mais c'est pas vrai. Mais non. Il y a peut-être quelques affaires, le pointeur. Oui, oui, ça, c'est geek. Ça va. Oui. Peut-être R2-D2. Oui. Limite. Le reste, c'est juste soit dégueulasse ou soit... Inutile. Inutile. Hey, mettre ton linge à vaisselle derrière un chat, là. Hey, on va se le dire. On va se le dire, ça va. Merci beaucoup, Jean-Philippe. On se retrouve dans quelques minutes pour un autre top. Oui. Ça va être le top des bouffes les plus dégueulasses à manger. Mm-hmm. Pour l'instant, Félix-Antoine Couturier est dans cette vie. J'avais 9 ans il y a 3 secondes. J'étais presque en contrôle du monde. Libre et léger, pris dans mon sou de neige. Je voyais mon père plus grand que le monde, avec ses airs et ses chansons. Si je reste moi-même, est-ce que je suis toujours avec lui? Dans cette vie. Toujours en guerre, mais il est beau, même en colère. Les mains douées, faut bien qu'il se protège. Et tout seul dans la grande maison, il y a ma mère et ses démons. Pour les semer, elle roule la bicyclette en après-midi. Dans cette vie. Antoine Couturier et une pièce de l'album Fuir le plancher s'appelle Dans cette vie. À Assemblage requis. Et on était tout à l'heure en plein milieu de la chronique Son foutu palmarès et je pense qu'on devrait reprendre là où on a laissé avec la deuxième partie. C'est toujours Jean-Philippe qui nous parle de cuisine aujourd'hui. Oui, je sais pas si tu veux que j'aille plus loin par exemple. Donc c'est la fin pour... on revient après la pause. Je sais pas comment l'amener. C'est un peu dégueulasse, mettons. Oui, ben écoute, c'est ça. Désolé pour ceux qui déjeunent ce matin, mais pourquoi ne pas en parler? N'ayons pas peur. On est de même, nous autres, on fonce droit devant. Oui, puisque je vais vous parler du top 15, cette fois-ci, des plats que tu voudrais pas vraiment manger. Mathieu, puis je l'ai fait pour toi. Merci, t'es fin, puis à date, ça me prend pas grand-chose de me lever le cœur, apparemment. Hein? Non, mais écoute, moi, je dois t'avouer que je sais pas, je me sens sensible ce matin. C'est assez spécial ce que les gens peuvent manger. Si tu vomis, je vais fermer ton micro. OK. Ah ben non, mais ça pourrait être une belle première. Oui, ouais. Ça ferait un bel instant classé. Oui. On aime les provoquer, nous autres. Ouais. Donc, écoute, allons-y, c'est ça, pour le top 15 des plats qu'on ne veut pas manger. En numéro 15, tu mangeras certainement jamais, Mathieu, du balu. Balu. Oui, qu'est-ce que le balu? Tiens, je vais faire comme... C'est-tu comme le badaud, là? Non. Non, écoute, badaud au centre-ville? Balu? Badaud? ou un baluchon? Un baluchon. Écoute, ça pourrait, mais en fait, c'est plutôt l'embryon du canard. Et puis, écoute, c'est servi avec de la bière. puis c'est évidemment consommé pour ses vertus aphrodisiaques. OK, mais c'est d'apparence un petit peu gluante, apparemment. Hein? C'est d'apparence un peu comme un œil. Ouais. Ça ressemble à un œil. L'intérieur d'un œil. Mais ouais, dans un œuf, on dirait. Hein? Ouais, exactement. Une coquille autour de ça. Donc, c'est pas très beau. En 14, du casu marsu. OK. C'est un fromage qui est fait en Sardaigne. Et puis, écoute, à l'intérieur, ça, il contient plein de petits verres qui ont à peu près 8 mm de grandeur puis qui sautent jusqu'à 15 cm de haut. Ils sautent? Ça saute. Non! On dirait un pain, genre un demi-pain. On dirait, oui, c'est ça, tu sais, les bols de soupe en pain. Là. Exactement. Oui, on dirait ça. Mais tu vois pas les verres dans la photo puis je veux non, pas une chance. Écoute, c'est 8 mm. T'imagines-tu? C'est comme boing, boing, boing, boing. Ah là là. Maintenant aussi, tu ne mangeras jamais, Mathieu, du... Moi non plus, d'ailleurs. Okay. Je te dis toi, là, mais moi non plus, ça je ne mangerai jamais. Ça t'inclut. Ouais, okay. Du sanachki. Okay. C'est de la pieuvre qui est démembrée et c'est servi cru. Oh, on dirait des... Avec des graines de sésame. Ah, ouais, les graines de sésame ont l'air bonnes. Ouais. Mais en tout, on dirait les vers de terre bonbons jujube, là. Ouais. Mais... C'est de la pieuvre. C'est de la pieuvre. Gluante. Cru. Moi, c'est plus ça. J'en ai déjà mangé de la cuite. OK. C'est très bon. Ah oui? Mais de la crue comme ça, ça doit être pas mangeable. Ben, tu m'impressionnes d'avoir essayé ça, pour vrai. Oui, ben, une fois dans un restaurant. OK. Je pense que j'ai pas le choix. C'était un double dare. Ouais. Je t'avais pas le choix. Après ça, bon, ben, ça peut-être un peu plus classique, même si pas moins dégueulasse. Des tarentules. OK. Par exemple, on nous dit qu'au Cambodge, c'est très apprécié à l'apéritif. Ah ben oui. La tarentule. Avant de débuter ton repas, là. Pour se mettre en appétit, il n'y a rien de mieux. Pourquoi pas? Mais de toute façon, ouais, c'est ça. Donc, servi comme cuite, comme une brochette. Ce qui est meilleur, ça a l'air, c'est les pâtes. Non, je sais pas. Non. Je sais pas. Non. Donc, toujours dans les plats que tu ne voudrais pas manger, du lézard. Ah, OK. Oui. Écoute, le lézard est mangé en soupe ou des fois, il peut être infusé aussi avec de l'alcool. On dirait que cela me dérange un peu moins. On dirait que c'est comme... C'est un animal comme un autre. Je vois pas vraiment la différence entre ça et... Ça doit être dur à manger. Là, ouais, tu peux pas manger la... Est-ce que tu manges la carapace? Ouais, j'essaie de manger l'intérieur de la viande, je sais ouais. pas. Bon, en numéro 10, des testicules de taureau. Oh non, ça là, tu me perds avec les testicules. De toute façon, là, je sais pas, mais non, non, non, juste non. Écoute, ça a l'air que pour bien les manger, il faut qu'ils soient évidemment bien pelés, ils sont aplatis et c'est frit. Ah, OK. Est-ce qu'il faut que ce soit vidé avant? C'est ça? Ah, ben là, c'est ça, on sait pas. Mais c'est vraiment d'apparence... douteuse, oui, ben, je sais pas, on dirait pas des testicules, on dirait vraiment l'engin en tant que tel sur la photo. Mais non, c'est des imagine si les testicules sont de cette grosseur-là, comment l'engin est gigantesque. Oh, misère. Le taureau. Wesh. Le taureau. Donc, des crevettes. Ça va, jusqu'à maintenant, des crevettes. Très bien. Ouais. Mais c'est à la liqueur. Okay. Donc, c'est des crevettes qui sont imbibées d'alcool et puis sont servies vivantes. OK, oui, vivantes, donc pas de leur couleur qu'on s'attend à les voir à l'épicerie. Non. C'est comme un genre de brun vert. Ben, elles sont bruns comme une crevette non cuite, mais c'est ça, elles sont vivantes et puis on les a gavées d'alcool, de liqueur. Miam, hein? Un peu dégueu. Bon appétit. Écoute, là c'est mon challenge de la journée. tu vas jamais te sustenter en mangeant du... Surstroming? Surstroming? Surstroming? Surstroming? Okay. C'est comme de la sauce... Yoming? Yoming? Ça existe pas, là, mais... Yoman? Yoman. En tout cas, du Surstroming. Voilà, je pense que je l'ai bien prononcé. Et qu'est-ce que c'est? C'est une spécialité suédoise. C'est du hareng, mais qu'on a laissé fermenter vraiment pendant plusieurs mois. OK. Donc, l'odeur doit être... Ça doit être terrible. Ça doit être vraiment terrible. Donc, toujours dans les plats que tu ne voudrais pas manger, du acarl. OK. C'est la viande de requin. Oh, encore un requin! Oui, puis qu'on a laissé fermenter pendant plusieurs semaines. OK, ouais. Peut-être un peu moins dégueu. Je dois avouer, en tout cas, ça a l'air d'être un gros jambon. Oui, c'est ça. T'as pas nécessairement plus envie de le manger, mais il faudrait s'ouvrir à ces... Ben, quoi qu'un requin, c'est peut-être pas nécessairement l'espèce que tu veux tuer parce qu'il doit pas en avoir des milliards. Là. Non, puis... Mais d'habitude, les gens les tuent pour leur nageoire. C'est ça. Semblerait-il que c'est très bon. Ouais, en tout cas. Mais voilà. Donc, tout simplement, la viande de requin. Non plus, on ne mangera pas de Kupiluwak. C'est une variété de café, puis c'est récolté dans les excréments. C'est ça. Ouais, j'avais déjà entendu parler de ça, des excréments. Ouais, c'est un genre, hein? Ouais. Ça doit être délicieux. Ben écoute, Peut-être qu'un jour, tu vas en recevoir avec ton shipping mon café. Ouais. Mon service d'abonnement de café dont on parlait hier. Et oui. Ouais. Maintenant, du cerveau de vache frit. Pour en faire un burger. Ça a l'air d'une croquette de poulet, mais c'est un cerveau à l'intérieur. Ouais, donc c'est du cerveau. Mmh. Wow. Donc, on ne veut peut-être pas manger ça. Pas tant. De la soupe. Au nid d'oiseaux. OK. Donc, écoute, je sais avec pas. Les oiseaux dedans ou juste les... Non. Ça a l'air que c'est un plat extrêmement cher. OK. Puis qui peut valoir jusqu'à 10 000 $ le bol. Ah! Une soupe au nid d'oiseaux. Ah, mais il est mieux d'être bonne, hein? Ouais. Ça, pour goûter quelque chose qui doit goûter le foin. Mm-hmm. Je sais pas. Yeah. Moi, je paierais pas de ça 10 000 $ Combien tu paierais pour? Moi, je me ferais payer 10 000 $ Okay, ça donne une bonne idée. On ne se prendra jamais la main dans le sac en train de manger un pénis de yak. Yak. Donc, évidemment, encore une fois, pour ses vertus, j'imagine, de virilité, oui. Et de mâlitude, c'est vraiment important de manger des pénis. Mm-hmm. Pourtant, c'était bien ironique. <Oui. rire> C'est vraiment le contraire de ce que tu parles. Okay. On ne mangera pas non plus de mopan. C'est des chenilles qui sont rôties. Donc, des petites chenilles. Des petites chenilles poilues. Des petites chenilles avant qu'ils deviennent papillons. Yark. Ouais, écoute, je regarde le sac de chenilles, puis c'est dégueu. Ça a l'air dégueu. Et finalement, le dernier plat que tu ne voudrais jamais manger, Mathieu, du lutefisk. C'est un poisson blanc qui est trempé dans l'eau froide, savonneuse. Ah! Hein? Après la gomme au savon, un poisson au savon? Au poisson au savon. Wesh! Donc, c'est ça. Allez voir la galerie photo sur assemblagerequis.com. Ça si vaut la vous peine. Avez l'estomac solide là, après ce matin. Déjeuner. Là. Ouais. Pas pendant, mais même après, ça peut te faire des petits reflux gastriques. Vu que tu viens de manger, ça pourrait... Ouais, c'est... Ouais. Allez-y pas sur assemblagerequis.com. Merci Jean-Philippe. Ça fait plaisir Mathieu. C'était son foutu palmarès. Au retour, David Ferron et sa chronique La langue dans ton oreille à Assemblage Requis. Reste. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon, vous êtes toujours à Assemblage requis en ce jeudi 26 septembre. Jean-Philippe Charbonneau. Mathieu Plante. Oui. Et David Ferron s'en vient dans quelques instants pour sa chronique La langue dans ton oreille. Mais avant ça, une petite pièce d'Alex Nevsky, ça te tente? Oui, ça me tenterait, Mathieu. T'es dû. Oui. Est-ce qu'on va écouter? La chanson qui est sur le palmarès. Les coloris? Oui! Ah! Ding, ding, ding, ding, ding! On a gagné! Dis-moi si j'ai tort, en lune, en la nuit, étoile en mon corps. Les coloriers d'Alex Nevsky. Oui! Assemblage requis, évidemment, au 89 FM. Et maintenant, ben c'est l'opportunité qu'on a à chaque semaine. On très beau communautaire. Faut qu'on, oui, qu'on accueille un ancien... un escapé de la maison de fous. Voici David Ferron et la langue dans ton oreille. La langue dans ton oreille. Est-ce que tu trouves qu'on a gâché ton intro en chantant par-dessus? T'as l'air de nous regarder comme si on était vraiment pas correct de te faire ça. Est-ce que t'es offusqué par mon commentaire sur l'asile d'où tu proviens? Non, pas pantoute, je sais pas de quoi tu parles. Ben, c'est parce qu'ils nous ont dit de pas en parler trop fort. Puis toi, je pense qu'avec ta médication, tu sais pas que t'étais dans un asile de fous jusqu'à récemment. Je pense que c'est ça le problème. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais dans un monde où ce que les poneys chient des arcs-en-ciel. Ah! Okay. Tu viens de gâcher mon univers. Maudit fou. David Ferron. Grand fou. Grand fou. Mais non, on t'aime bien. Puis c'est pas vrai, pantoute, c'est des menteries. On t'accueille avec un plus grand respect tout de suite. David Ferron. Oui. Et l'angle dans ton oreille, bien sûr, qui nous parle aujourd'hui d'automne. D'automne. Pour avoir scrappé mon univers de libellule magique, j'ai décidé de vous faire écouter des chansons dont le thème est l'automne. Bref, c'est vrai que c'est pas très jouissif, mais c'est quand même trois belles chansons qui valent la peine d'être connues. Oui, chacune des trois chansons pour chacun des mois d'automne et presque tous, hein? Octobre, novembre et décembre. Ben, wow! Il y a trois mois dans l'automne. Là. T'as senti ça comme ça? Oui, tout live de même. Wow! Ben, naturel. Oui. Un naturel. On va apprendre les mois. C'est vrai, je m'en rappelais plus c'était quoi les mois parce que mon asile de fou est en Australie. Donc, toutes les saisons sont... Ouais, c'est ça. Mmh. Fait que c'est bien de me faire un petit refresh concernant les saisons. La première, ça s'appelle « Vaincre l'automne » de Philémon Chante. Un conseil, c'est très bon ce que Philémon chante, ce que Philémon écrit, mais pas tout l'album au complet. Parce que Annie Brocoli, si elle écoute ça, elle deviendrait suicidaire. Comme Jean-Philippe le disait, Aaron, t'es le seul gars qui se rappelle encore d'Annie Brocoli. Tu parles autant d'elle à chaque semaine. Ben oui, c'est important de se mémorer des icônes culturelles de la culture québécoise. Mm-hmm. Moi, je le fais, ça me fait plaisir. C'est important de ne pas oublier. Comme quelqu'un l'a déjà dit, c'est Thérèse Desmarais de Noncourt qui est la fondatrice de la Société d'études conférences de la Mauricie. Lorsqu'on a tout oublié, ce qu'il reste, c'est la culture. Wow, voilà. C'est comme appris par cœur, ça. C'est... Oui. Ouais. Et de toute façon, j'allais dire qu'Annie Brocoli, ben, tu connais ça parce que toi, je veux dire, tu prends ta portion de légumes à tous les jours venant d'un asile. Portion de légumes. Portion de légumes est très bonne. Merci. J'aime bien manger des beaux petits légumes frais. Mm-hmm. Moins drôle. Ouais. Est troublante. Le fun, je t'ai déjà fait. Mais pour revenir à Philémon, en fait, l'album dont est issue la chanson Vaincre l'automne est tiré de l'album Session cubaine qui a été enregistré justement à La Havane parce qu'à l'époque, avant que Philémon s'en aille à Cuba, eh bien, il se sentait pas très bien. Alors un ami lui dit, ben, pourquoi tu vas pas à Cuba, ça va te faire du bien, le soleil, la plage, etc. etc. Alors Philémon écoute le conseil de son ami, il se rend à Cuba. Et là, il va faire un enregistrement d'album. Il ne sait pas si c'est un album au complet, si juste quelques chansons. Il ne sait pas encore. Bref, après deux semaines d'intenses sessions d'enregistrement, il arrive avec quatre bobines contenant 15 chansons, tous réjouissantes les unes que les autres. Là, c'est vrai que je mets surtout l'enfant sur le côté dépressif. C'est très... Mais je vous dirais que Philémon a quand même une belle voix soul. Agréable à entendre. C'est pas une grande voix, mais c'est... très sensuel d'une certaine manière. Et aussi, les paroles sont... En fait, les chansons sont très bien écrites. Donc, ça peut compenser pour le petit côté un petit peu Mossad. Cool. Donc, on va écouter Vaincre l'automne de Philémon. Parfait. On écoute ça. Puis, quand il est allé à la vanne, as-tu monté dans sa vanne? Je sais pas. Il est monté dans la vanne pour aller jusqu'à la vanne, non? C'est une blague déprimante pour une chanson déprimante, OK? Si ça soit tout dans le derrière du pick-up, l'auto va avoir un Cuba. Punchline! Punchline! Merci. Lui, il fait des bons jeux de mots. Oui, si, oui. Merci. Pas merci, Valera. Non, merci, je sais. Seul dans ta chambre, la lumière dans septembre dehors. Et dans ta chambre, l'automne est entré. Tu l'as laissé passer. poser ses feuilles sur ton corsage égratigné. Et de page en page dans tes cahiers, tu m'as conté l'écho des années passées comme otage dans ta tête en saccage démaquillée. Hier, pris dans tes bras pour une seconde, j'ai cru en toi. Pour une seconde, j'ai pas eu peur de tes yeux gris, ceux de fillette abandonnée. Je suis pas ton père ni ton sauveur, mais je vais t'aimer, t'aimer un peu pour vaincre l'automne. Je vais t'aimer, t'aimer un peu pour vaincre l'automne. Et serre-moi fort. Seul dans ta chambre, le cou en sang, je n'avais pas vu le rouge de tes dents pointer dans ma peau, suçant mes souvenirs, suçant mon sang fier et ardent, suçant ma peur, ma peur de toi, peur d'être à deux, peur d'être seul et d'être sérieux, nu et sous dans la neige, ma peur d'être enterré, peur d'être heureux. Pris dans tes bras pour une seconde, j'ai cru en toi. Pour une seconde, j'ai pas eu peur de tes yeux gris, ceux de fillette abandonnée. Pas ton père ni ton sauveur, mais je vais t'aimer, t'aimer un peu pour vaincre l'automne. Je vais t'aimer, t'aimer un peu pour vaincre l'automne. Et serre-moi fort, serre-moi fort. Je vais t'aimer, dormir un peu pour vaincre l'automne. C'était Vaincre l'automne de Philémon, chante tirée de l'album Session cubaine. Comment va votre morale? Ben, je ne sais pas pourquoi il appelait ça Vaincre l'automne. Moi, je pensais plutôt s'effondrer devant l'automne. Oui, c'est ça. Vouloir dormir tout l'automne. Oui. Ouais, c'est vrai que tu as le goût de faire une chorégraphie à la compagnie créole après la chanson-là. Oui, les petits oiseaux, les coquelicots. Un petit train. Petit train va loin. Oui, oui, conga! À version slow-mo. Oui. Monsieur Slobin. Ah ouais, avec le monsieur dans RBO, je me rappelle jamais comment il s'appelle. Le petit vieux que Yves Pépelty faisait dans RBO. Ah oui. Je sais plus non plus, mais je vais te trouver ça d'ici la fin de ta chronique. Good. Ah ben j'ai hâte. En fait, la deuxième chanson qu'on va entendre, c'est Pâle automne de Camille. Et en fait, c'est tiré de l'album Le Fil, qui a un concept assez particulier, c'est-à-dire que durant tout l'album, on n'entend qu'un seul son, qui est le si. C'est ce qu'on appelle un bourdon, c'est-à-dire un son prolongé. Et c'est la note si qu'on entend avec, je pense, une contrebasse, puis ça, de l'instrument. Et entre-temps, dans l'album, il rajoute parfois des claviers, des samples de voix, parce que Camille fait du beatbox aussi. Elle est vraiment bonne en plus. Ah oui. Puis ses paroles aussi, si on prend le temps d'écouter ses paroles comme Paul Auton, c'est de la poésie pure. Et d'ailleurs, c'est une femme très intelligente puisqu'elle a déjà été à l'université. Mais en fait, j'en profite pour parler du système d'éducation en France qui est assez compliqué. J'essaie de bien l'expliquer. Okay. On t'écoute, monsieur le professeur. Et en fait, je dirais que quand elle a fini sur son compte... Monsieur le professeur, voyons, qu'est-ce qu'il y a matin? Vous n'avez pas pris votre café? Non. Non, j'aurais dû prendre mes pilules à la place. Oh. Mais c'est pas grave. Je me pardonne. Et en fait, Camille rentre en hypognagne. Qu'est-ce que c'est que l'hypognagne? C'est en fait le niveau... parce qu'en fait, le gnagne, en tant que tel, le gagne, il y a deux années. C'est-à-dire, la première, c'est l'hypo. Et la deuxième, c'est le gagne en tant que tel. Et ça, c'est comme... En fait, deux années où tu te prépares à rentrer dans l'école normale supérieure. Et ça, l'école normale supérieure, si je ne me trompe pas, c'est une espèce d'université, mais pour former les maîtres et les docteurs. Donc, c'est comme l'université, mais niveau cycle supérieur. OK, et c'est une école spécifiquement pour ça, donc tu n'as pas tout le monde qui fait les différents bacs, maîtrises et trucs. Non, c'est ça, c'est vraiment pour former des chercheurs ou des enseignants universitaires. C'est vraiment fait pour ça, c'est une école spécialisée pour ça. Et Camille... elle se prépare justement en faisant l'hypognagne qui va lui permettre justement de rentrer dans une école de sciences politiques. Donc, pendant ce temps-là, elle prépare son premier album qui est Le Sac des filles et ensuite, peu à peu, Le Sac des filles qui n'a pas été super bien accueilli mais qui lui permet de se faire un nom et qui va lui permettre de faire le fil dont la chanson Par l'automne est tirée. Et écoutez les paroles, ça va vous faire... vous allez pleurer comme un crocodile. On écoute ça! Il pour gagner même star. C'est vrai que j'allais faire ça. Ça fait un bon thème d'émission. Septembre, comme il est loin le temps du ciel sans cendre, il serait temps de s'entendre sur le nombre de jours qui jonchent le sol d'octobre. Mal si tendre au début de novembre devint sourd aux avances de l'amour. Mais quel mal me prit de m'éprendre de lui. Ça, le décembre, comme il est lourd le ciel. Sais-tu que les statues de sel ont cessé de t'attendre? Pas le septembre, entends-tu le glas que je sonne? Je t'aime toujours. Je t'aime toujours. Je t'aime. Jusqu'au printemps, là, à la porte de ma valvoline, là. mais je voudrais souhaiter à ces jours donnant une très bonne année 1967. Yes! Yes! Santé, prospérité et prescription. On en profite pour souhaiter bonne fête à Philippe Grenier. OK. Sûrement. Mais bonne fête, Philippe Grenier. Bonne fête. Mais oui, président de la lutte. Phil Addict. Comment on l'appelle? Addict. Addict. Phil Addict. Oui, donc c'était M. Caron. Pourquoi est-ce que j'ai fait jouer M. Caron, non? Ben parce que je sais pas. On a parti. On en a parlé tantôt, mais je sais pas. C'est quoi l'élément déclencheur? Slow-mo. On a parlé slow-mo, je pense. Non, c'était vraiment M. Caron dont je parlais tout à l'heure. Je parlais vraiment de M. Caron, le petit vieux fatigant dans RBO. Oui. Ouais. C'est un bon moment, ça. Oui, vraiment. C'est un bon moment. Sans aucun contexte, pour ceux qui n'étaient pas là 3 minutes, mais quand même. Donc, David Ferron, c'est toujours la langue dans ton oreille. Aujourd'hui, la thématique, c'est l'automne. Oui. Et avec... il reste une troisième pièce. Oui, qui est en fait la chanson de Tété à la faveur de l'automne, qui est, si je peux dire ça comme ça, une espèce de hit pour Bobo. Parce que ça, c'est pas une chanson qui a été dans les tops, comme une chanson dite commerciale, mais c'est une chanson qui a été reprise à plusieurs reprises et... reprise à plusieurs reprises. C'est bien dit. Ouais. J'aime les pléonasmes. Mais en fait, Tété qui est-il, c'est un Sénégalais d'origine. Et Tété veut dire, en fait, si je ne me trompe pas, le guide en Wolof, qui est un dialecte sénégalais. Mais à 2 ans, il va immigrer en France. Il apprend l'instrument qui va être son instrument de prédilection pendant un bon bout de temps, c'est-à-dire le violon. Mais là, il se casse une jambe, donc il apprend lui-même la guitare. Parce que paraîtrait que ça va mieux jouer de la guitare quand t'as un plâtre qu'un violon. Ah! Logique. Alors, quand même. Ouais, et puis là, il apprend la guitare, il va à l'école supérieure, mais là, au lieu de se trouver une job, il se dit, bien, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc je vais jouer de la guitare pour devenir guitariste. Donc, à temps plein, il joue de la guitare, autant dans les bars qu'en se pratiquant. Bref, il est dédié à sa guitare et ça lui a permis de signer un contrat avec Epic. Si je ne me trompe pas, Epic, c'est une sous-filiale de Sony. Si je me trompe pas, bref, sa carrière décolle. Et là, il y a l'album À la faveur de l'automne. Donc, le nom de l'album avec le nom de la chanson, c'est la même chose. Donc, pas trop difficile à retenir. Et on va entendre À la faveur de l'automne, qui sont quand même, les paroles sont belles, sont peut-être plus accessibles que celles de Camille. Mais disons que dans mon trio, c'est ma petite chanson cheesy. Mais pas tant que ça, pas trop. Pas, je dirais plus... Suisse de qualité que chez Wiz. Okay. D'accord. Bon, on écoute ça juste après ça. Hey, bonjour, M. Caron. Je m'en vais à l'épicerie. Avez-vous besoin de quelque chose? Tiens, si c'est pas mon jeune ami qui pose des questions sur le magasin d'alimentation, va chier! Il n'y a rien à faire avec M. Caron. C'est une catastrophe. Posté devant la fenêtre, je guette les âmes isolées à la faveur de l'automne. Posté devant la fenêtre, je regrette de n'y avoir songé maintenant que tu abandonnes. À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. Un, deux, trois, quatre, un peu comme on fredonne de vieilles mélodies. Rivé devant le téléphone, j'attends que tu daignes m'appeler, que tu te décides enfin. Toi, tes allures de garçon rompies un peu la monotonie de mes journées, de mes nuits. À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. Un, deux, trois, quatre, un peu comme mon frotteur de vieille mélodie. À la faveur de l'automne, super scopy de l'automne. À la faveur de l'automne. voici la vérité. Et là, là, mon frère, plus que le mauvais temps s'y mettre, et ne goûter plus, et j'aurais vraiment tout perdu. Voilà, la faveur de l'automne revient cette douceur mélancolique. Un peu, point quatre, un peu comme mon frère. C'était Tété avec la chanson à la faveur de l'automne. Et Jean-Philippe, paraîtrait que tu trouves que Tété ressemble à... Tété Diouf. Mais c'est vrai parce que les Diouf aussi sont sénégalais. Oui. Donc, Boucar Diouf est sénégalais, tout comme Tété. Voilà. Donc, tout comme les sœurs... pas les sœurs, mais les frères... tout comme les sœurs Boulay. les fameuses sénégalaises. Ouais. Non, tout comme les frères... voyons, Elage et Karim Diouf. C'est vrai? Mm-hmm. Ben oui, qui viennent tous du Sénégal. Voilà, mais pas Karim Ouellet. Non, ils viennent de Québec. C'est pas le même prénom qui fait que t'es dans une même famille. Hein, non? Non, c'est sûr. C'est comme Mathieu Plante ou... non. Mathieu Roy, même famille. Ouais, mais c'est pas la même chose. Non. Donc, sur ce malaise, merci David Ferron. Oui, comme David Copperfield, je viens de faire de la magie musicale. Oui. Oh, wow. Moi, en tout cas, juste de nous avoir fait entendre par ton lien télépathique envers moi, ouais. Du Monsieur Caron. Oui. Ça a aidé. Ouais. Au à plaisir de la chronique, c'est ça. Tant mieux, c'était psychotronique comme chronique un petit peu aujourd'hui avec Monsieur Caron. C'était psychotronique, nouvelle chronique qui s'en vient. Ah! Oh, oh, pas pire. Non, ça, moi, ça m'a fait penser, on parlait en ronde des dents du bonheur. Oui. Ça, c'est quand t'as un espace entre les deux palettes. Oui. Ouais, c'est... La seule chose que Madonna a jamais changé d'elle. Non. Ça coûte cher, je pense, sûrement une chirurgie pour ça. Non? Okay. Non, c'est ça. Puis ça rajoute un petit charme. Un petit charme. Ça rend les gens attendrissants. Je trouve Vanessa Paradis, tu sais, quand elle sourit, ça donne l'air d'une petite ingénue. Oh, c'est beau. Wow. Oui. David, on te retrouve jeudi prochain à 8h pour une autre chronique La langue dans ton oreille. Ou sinon, ceux qui sont pas capables de m'entendre jusque-là, j'ai mon émission à tous les dimanches 17h à 19h. Exactement, c'est l'émission Brancher le monde. Exactement. Avec des chroniqueurs. Oui, chronique d'actualité locale et internationale, plein de musique. On a également un top 5 des meilleures chansons musique du monde. Wow. Yeah! Yeah! Donc, on écoute ça dimanche entre 17h et 19h. Pour l'instant, après la pause, on n'a pas François Landry, mais on va le remplacer par les instructions d'assemblage. Moi, j'aime ça. Mais j'aime François Landry. Oui aussi. Mais j'aime aussi ça. Il pourrait faire cette chronique-là. Oui. Ouais. Puis j'aime tes mains, Jean-Philippe. Ah, voilà. Il fallait revenir à ça. À chaque semaine, il faut que tu touches quelque chose. Hein. Ça sera quoi la semaine prochaine? Juste les mains. CFOU 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, c'est toujours Assemblage requis. En ce jeudi 26 septembre 2013, il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Oh oui. Et maintenant, Colin, Jean-Philippe, on va faire les instructions d'assemblage pour remplacer François Landry. Oui. Mais avant de faire ça, on écoute Nico Case. Oui. Et une excellente chanson du palmarès anglophone. Elle s'appelle The Man. On écoute ça là. OK, man. Yo, dude, man bro. Ah. Juan Felipe. Mateo. 8-9-1, 89. I'm a man, that's what you raise me to be. I'm not an identity crisis, this was planned. I'm a man, this innocence of mankind is C'était Nico Case et The Man. Yeah. Yeah. He's the man. Who's the man? He's the man. Merci. Ah, David me pointe. Oui. Toi, tu touches la main, moi, faut que je me pointe. C'est moins dérangeant. Mm-hmm. Attention, moi, ça a commencé comme ça. Oh, et attention, il change de chaise. Oui. Et je mets mon bras parce que je sais qu'il va me toucher. Ah, mais voilà, problème. C'est fait. C'est d'où tes mains, David? C'est. Oh, toi, t'as le bras au complet. Moi, j'ai le bras au complet, c'est poilu un peu. C'est un peu gênant. Toi aussi, c'est poilu. Hein? Ouais. Ouais. Ok. Ça, c'est... Oh, l'épaule. Oui, variant. Purel d'or, tu sais. Voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Agitez fermement sans trop brasser. Étape 2. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Comprends pas. Ben, allume ton cerveau, man. Ben, flash et lumière. Excuse-moi. C'est mon erreur. T'imites très bien le gars dans l'intro. Ouais. Ouais, je comprends pas. Facile d'avoir l'air d'un épais, hein? donc, c'est les instructions d'assemblage où on vous présente des trucs et astuces pour mieux vivre votre vie. Hein? C'est un peu comme le Canal Vie, mais à radio, pis sans les matantes. C'est comme un mélange de Canal Vie pis Canal Z. Oui, un peu comme Richard Z. Sirois. Le Z veut rien dire. Oui. J'ai fait la même blague hier au Mathieu Plancho. Ah. Donc, je recycle mes blagues parce qu'elles sont tellement drôles. Pour commencer, commençons par quelque chose de facile, simple et à s'imaginer et tout ça. Prenez une photo, une de vos photos préférées, par exemple, je sais pas, une plage ou un beau paysage, quelque chose qui grime en âge, une photo des gens qui travaillent à l'âge et de l'UQTR. Donc, prenez leur photo, agrandissez-la, faites-la imprimer en grand format et attachez-la à une vieille, tu sais, une vieille fenêtre que tu trouves, mettons, sur le bord du chemin. Aussi, des fois, tu vois une vieille fenêtre quand tu changes tes fenêtres. Ou juste le frame, mettons. Là, juste le frame, ouais. Exact. Avec peut-être pas les vitres, peut-être les vitres. Et mets la photo derrière sur le mur et colle la fenêtre. Tu auras l'impression d'avoir une fenêtre de plus chez vous. On pourrait faire ça dans le bureau. Tellement. Mm-hmm. Ça, où on pensait installer des gros placements, là, un peu comme à Chasse-Galerie où il y en a 5, on pourrait sûrement leur en prendre 2-3 puis ça paraîtrait pas. On les mettrait dans le bureau. C'est fou. Puis on mettrait des images de plage de dehors. Oui, ou est-ce que tu disais hier au Mathieu Plancho, la caméra pour rendre invisible? Oui! On pourrait mettre des caméras dehors avec une télévision, fait qu'on aurait comme... C'est comme une vraie vitre. Mais hein, c'est génial. Pour vrai, c'est une bâtisse où ils ont mis des écrans sur les côtés et ils projettent le derrière de la bâtisse. Ouais. Dans le fond, ce qu'ils voient derrière la bâtisse, au devant. Ouais. C'est vraiment le fun. C'est en Corée du Sud. Sûrement. T'es un auditeur fidèle. J'aime ça. Parce que la radio joue dans nos bureaux et t'as pas le choix d'écouter. Mais bon. Non, j'étais okay. Dans l'auto. Ah, cool. Maintenant, tiens, allons-y avec un prochain conseil. Si vous avez des invités à la maison et vous voulez leur faire manger de la crème glacée, t'sais, différentes saveurs de crème glacée, ben on vous suggère, prenez un rack à muffins, okay, mm-hmm. Et mettez des petits papiers à muffins et mettez une cuillerée de crème glacée dans chacun et remettez ça au congélateur. Quand les gens vont arriver, vous allez pouvoir sortir ça et ça va se manger tellement mieux que d'avoir à sortir le pot. Trempé à cuillère. C'est tout long, là. Ah, oh, wow. C'est comme un muffin de crème glacée. Wow. Génial. Ensuite de ça, pour empêcher la cassonade de durcir, on a tous eu l'expérience d'une cassonade dure. Oui. C'est pas le fun d'avoir une cassonade dure. Non. C'est trop dur. Trop dur. Du brun dur. Du brun dur. Même pas ça. Raciste. Donc, ça peut être frustrant d'avoir des motons de cassonade. Et pour empêcher ça, mettez-y une pelure d'agrumes, n'importe quel agrume, de 3 pouces de long, dans la boîte ou dans le sac de cassonade. Crassonade. Oui. C'est encore RBO, je pense. Hein? C'est de la croustillon. Croustillon, voilà. Crastillon. On est proche. Bref, dans la boîte, un agrume, une pelure d'agrumes, et ça fonctionne. Donc, ça quoi? Ça garde l'humidité, là? C'est ça. Oh. Déjà. Tu sais, on fait des fois des crosses de la semaine, puis à chaque fois, je m'en veux de le faire, mais on dirait que j'ai comme pas le choix. Si tu oublies la combinaison de ton cadenas de vélo, là, OK? Tout ce que tu as à faire, c'est tirer sur le truc et puis faire tourner chaque chiffre en commençant par en bas ou le dernier. Et quand vous allez le tourner, apparemment qu'il va barrer en place quand le numéro va être correct parce que tu es supposé le faire à l'endroit. Quand tu le fais à l'envers, on nous dit, selon Internet, je ne l'ai pas testé. Ça doit dépendre des modèles aussi. Peut-être aussi. Peut-être des modèles cheap. Ouais. Moi, je dirais. Mais c'est souvent ce que les gens font. Un peu comme avec un iPhone 5 qui vaut 850$. Tu achètes un skin à 1,75 sur eBay. Puis tu es surpris quand l'écran casse, quand tu tombes à terre. Ouais. Ben, sur un vélo, tu te l'achètes à 300$. Tu mets un cadenas à 1,50 chez Dollarama. Voilà. Tu sais. Bon. Hein? Un cadenas de Tu sais, quand les filles, là, quand ils sont jeunes, là, les carnets secrets. Le journal intime. Le journal intime, c'est tellement. Ça. Ah, ouais. Quand même. Ça ressemble à ça, en tout cas. On regarde les vélos au centre-ville, c'est pas mal ce que tout le monde prend. Ensuite de ça, tiens, une autre crosse de la semaine. Et ça, je pense qu'il y a plusieurs gens qui le savent, mais moi, je le savais pas. Et je vais essayer de comprendre en même temps que vous. Peut-être que toi, tu es au courant. C'est pour partir une voiture sans la clé. Oh, non. Hotwire. Donc, on lui dit d'aller en dessous du volant, d'enlever le morceau de plastique qui contient les fils, trouver les deux fils rouges, les mettre à nu, enlever la petite chose de plastique. Ensuite, on dit de croiser les deux fers. Les deux fils rouges. Trouver le seul et unique ce fil brun et le stripper lui aussi. Et après ça, tu touches un petit peu le fil brun au rouge jusqu'à ce que la voiture démarre. Et une fois que la voiture est allumée, tu peux déconnecter le fil brun du fil rouge. Comme dans les films. Les instructions sont sur assemblagerequis.com. J'aimerais ça savoir si c'est vraiment comme ça qu'on fait ou si c'est une crosse qu'Internet nous fait. Peut-être. Pour peut-être nous mener sur le mauvais chemin. Moi, je trouve ça un peu trop facile qu'il y ait juste deux fils rouges puis un brun. Moi aussi. Dans la panoplie de fils qu'il doit avoir dans cette petite boîte-là. Étrange, hein? Ouais. Étrange. Tiens, ici, pas une crosse, mais une façon de ne pas vous faire crosser. C'est quand vous allez au guichet automatique et comment détecter les guichets automatiques qui ont été hackés. Pour peut-être voler votre numéro de carte de crédit ou de débit. Donc, pour commencer, truc numéro 1, on dit vérifier les caméras. Oui. OK. Donc, des fois, les hackers vont chercher le NIP en regardant les images de la caméra. Je ne sais pas, j'imagine qu'ils ont installé une caméra. Tu sais, mettons, les hackers, ils installent une caméra eux-mêmes et non pas la caméra de la caisse ou de la banque. Oh. Ils surveillent le clavier. Donc, toucher à quelque chose qui pourrait avoir l'air d'une caméra ou bloquer la vue ou cacher votre NIP en dessous de vos doigts. Ensuite, tirer sur la slot, la fente où tu mets la carte parce que souvent, les voleurs de cartes vont rajouter un truc par-dessus dans le guichet. Et brasser le clavier aussi, même chose. Des fois, ils vont mettre de faux claviers par-dessus le vrai pour connaître votre NIP. Donc, si le clavier a l'air lousse, ben, prenez un autre guichet. Simple quand même. On aime ça de même. Quand vous mangez de la pizza, tiens, il y a un petit gadget qu'on peut acheter qui est la roulette de la pizza. On a déjà parlé de ça. C'est, oui. C'est une assiette où il y a des trous vides et un trou plein. Et la personne qui mange la pizza sur le trou plein, ben, va devoir payer la facture. Mais vous pouvez vous la faire vous-même, cette assiette-là. Ben oui. T'sais, pourquoi pas? Donc, soit trouver le pattern et imprimer-le ou encore dessiner-le vous-même sur une assiette de carton, par exemple. Dessiner un cercle avec plusieurs ronds dedans. Et si votre pizza a 6 pointes, mais vous allez domper ça là-dessus, puis les 6 pointes vont être alignées avec les ronds. C'est quand même le fun. C'est le fun, pour vrai. Pour faire payer la facture, hein, tu tombes tout le temps sur quelqu'un de différent et t'as pas à te rappeler qui a payé la dernière fois quand c'est toi la même gang. Voilà. Ensuite, si tu veux essayer un site web premium, mais que tu veux pas utiliser ta carte de crédit ou encore que t'en as pas, ben, utilise simplement une carte cadeau Visa Débit. Ça existe en magasin, on achète ça et puis tu fais tes paiements sur Internet avec ça. T'en entends plus jamais parler. Mm-hmm. Jamais parler. Évidemment, si tu fais ton paiement, ben, c'est du débit. Fait que il y a exactement l'argent dessus. Ouais. Fait que t'as même pas besoin de faire de paiement. C'est génial. C'est comment arrêter de pleurer maintenant? On a tous vécu une situation où tes yeux commencent à couler énormément. Hein. C'est tellement triste et il faut que t'arrêtes ça parce que Colin, t'es un gars viril. Faudrait pas que tu sois vu en train de pleurer. Donc, si mettons votre copine vous force à regarder un film de fille, ça pourrait arriver et que t'es pas encore rendu à montrer tes émotions. Bref, la façon de faire, c'est de mettre ta tête dans le congélateur pendant 10 à 20 secondes et tes larmes vont arrêter de couler. Mais c'est pas parce qu'elles vont geler, c'est que tes nerfs et les affaires qui t'ont conduit. Comment dire? J'ai envie de crème glacée tout de suite. Oui! Fait que là, tu t'ouvres la. Mais tu sais, faut que tu trouves une excuse là, de te mettre la tête là. Drumstick, chérie. Oui, c'est ça. 10 à 20 secondes, c'est pas si long. Si t'écris un texte. Alors, ça, c'est quand même intéressant. Si t'écris un texte, mettons un exposé oral, copie-colle-le dans Google Translate, mais laisse le français au français, tu sais, pour pas que ça traduise et ça va te relire le texte à voix haute. Comme ça, tu vas t'entendre, entre guillemets, le dire. Voir si tout a du sens. Là, ça va être des mathématiques, donc suis-moi un peu. Ça pourrait être compliqué, je pourrais me perdre en chemin. Comme je me suis perdu hier au Mathieu Planchot, tu t'en rappelles? C'était le fun, hein? OK. Ça dépend. Il y a un long bout, je me suis perdu. Je me souviens plus. Pas grave. Donc, quand tu cherches les pourcentages, par exemple, tu cherches 40% de 300. OK? Donc, tu enlèves le premier chiffre et tu le multiplies par la dizaine du pourcentage. Par exemple, OK? Mettons... 40% de 300. T'enlèves le 0, OK, qui est le chiffre, dans le fond, pas de la dizaine, mais de l'unité. Donc, t'enlèves le 0, ça fait 4 fois 30. Donc, ça va faire 120. Et c'est le pourcentage. Donc, 40% de 300, ça fait 120. Mm-hmm. Moi, j'utilise ce truc-là quand on va au restaurant pour le pourboire. OK. Puisque c'est 15%. Donc, mettons, sur une facture de 30$, je sais qu'il faut que je laisse 3$. Plus la moitié de 3$. Je ferais ça moi aussi. Fait que ça fait faire 4,50 de pourboire. Exactement. 15%. C'est comme. Ça prend une seconde. C'est simple comme ça. C'est comme, mettons, tu veux faire 19 x 2, ben, ça va faire 9,18, ça fait 38. Hein? Facile dans la tête. Facile de même. On a des niaiseries de même, des petits indices, donc voilà, ouais. Pour les pourcentages. Ensuite de ça, on continue avec quand tu manges des Pop-Tarts, mange les coins en premier, parce que comme ça, tu vas avoir le maximum, après ça, de ratio entre garniture et croûte. Ouais, pas d'indice. Si l'alarme de téléphone de ton, on dit colocataire, peut-être de ton collègue de travail, mettons qu'il laisse son téléphone sur son bureau pendant qu'il vient allumer le midi, appelle-le. Comme ça, ça va arrêter l'alarme. Tu sais, mettons qu'il y a une alarme qui sonne sur son téléphone, tu l'appelles, ça va arrêter l'alarme. Évidemment, tu peux pas arrêter quand les gens l'appellent sur l'heure du midi. Ouais. Ensuite de ça, quand t'es chez le dentiste, qui arrivent et qui veulent polir tes dents, ok, tu sais, avec le petit polisson que j'appelle, demander les saveurs pour enfants. T'as le droit de demander saveurs pour enfants à gomme ballon. Ben pour vrai, parce que c'est quoi leur saveur? C'est cerise beaucoup trop intense, cannelle de la mort. Non, les saveurs pour adultes, là, pas bon. Tiens, on nous recommande de garder une heure spécifique de la journée pour stresser, pour s'en faire avec la vie. T'sais. Garder une heure ou une portion de la journée où tu sais que c'est là que tu vas chialer et le reste du temps, tu focuses sur le présent et ce qui va bien dans ta vie. Mm-hmm. C'est comme toi, tu me conseillais, prends un 10 minutes par jour pour chialer. Ouais. J'ai arrêté de le faire, on dirait, avec le temps. Je devrais peut-être me garder mon 10 minutes. Ouais. C'est cool comme conseil. J'aime ça. Ensuite, les articles dans la section usagers sur le site d'Amazon.com sont très rarement utilisés plus qu'une fois. Les gens vont s'en servir une fois et vont dire c'est pas pour moi, je veux un autre modèle. Et moi, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Et je l'ai fait extrêmement souvent sur Amazon. Là, on compte ça dans les dizaines de fois où j'ai commandé un produit, il n'était pas de bonne grandeur, mettons. Et je fais juste, à la place de passer par le processus de faire imprimer le petit papier, l'envoyer, attendre, puis après ça, commander l'autre. Je commande l'autre tout de suite. Mm-hmm. Non, j'ai juste commandé, puis après ça, j'ai fait le remboursement, mais il y en a qui attendent trop longtemps et eux sont obligés d'aller le remettre sur Amazon en tant qu'usager et souvent c'est juste une fois. Mm-hmm. Ça reste en garde-robe entre-temps. C'est vraiment une très très très bonne idée. Lorsque vous filmez une vidéo avec votre téléphone lors d'un concert, par exemple, ou d'un spectacle, si tout le monde fait ça, regarde pas le spectacle, il enregistre avec leur téléphone, mettez votre doigt par-dessus le micro. Ça va sonner mieux quand tu vas rejouer la vidéo. C'est souvent on entend ça, quand surtout, le son est trop fort. Ou surtout sur les téléphones Android, mm-hmm. Où les micros sont de moins bonne qualité. Hein, c'est un Android, quand même. donc, c'est ça, le micro n'est pas très, très bon. Donc, cachez-le pour moins prendre le son et ça va sonner mieux. Pour vider une bouteille très rapidement, celui-là, c'est quand même logique, là, mais j'avoue que ça pourrait vous aider. Pour vider une bouteille, mettons un 2 litres de liqueur qui est rendu flat, brasse-le. En rond comme un tourbillon, ça va faire justement un vortex. Ça va tomber d'un coup sec. Un vortex, comme dans la pub de Ashrek. Ah oui! 3 pouces. 3 pouces direct. 3 pouces. Ouais! C'est le vortex. Quand tu regardes dans le réfrigérateur, parce que tu t'emmerdes, t'as rien à faire, tout ce que t'as à faire, c'est manger. Bois un grand verre d'eau. Ça va t'empêcher d'avoir faim dans l'instantané. Ben, je pense que je vais aller faire ça là. Ben, vas-y donc, t'as faim. Hein. Poutine. Tout le temps les jeudis. À 8h40. Je sais pas pourquoi. Ça a toujours été les jeudis. Bizarre, hein? Mm. Ouais, moi, c'est le vendredi d'habitude de le faire. Une fois sur deux. Quand tu joues au golf, jouer au golf, c'est meilleur pour la santé qu'on le pense. Un round de golf, ça peut brûler autant de calories que de courir pendant 5000. Ah, quand même. Quand même, on joue au golf parce qu'il faut que tu marches puis que tu fasses aller ton bâton. Puis... Évidemment, peut-être qu'il parle d'un match d'une ronde de golf quand tu marches et non pas avec le petit bâton. Non, ça doit pas être avec la voiturette. Parce que là, à un moment donné, il faut donner une chance. Oui. Celui-là, je le trouve bizarre et fait pas ça en public, là, mais frotter une feuille d'assouplisseur à tissu que tu mets dans la sécheuse là, sur ta tête pour enlever la statique dans tes cheveux. Non, puis en plus, après ça, ça sent bon. Après ça, ça sent bon. Évidemment, on recommande pas de faire ça avec un ballon parce que là, ça va créer la statique. Oui. Là, c'est ça. On a tout le temps tendance à, crime, j'ai de la statique dans les cheveux, je vais me bosser un ballon. Mais non, faites pas ça. Faites-vous une petite playlist matinale là, avec les chansons là, dans l'ordre de relax à très, très rempli d'énergie. Comme ça, tu vas pouvoir savoir où t'es rendu dans ta routine. Est-ce que t'es rendu au bon moment, tu sais? Mm-hmm. Une routine qui, mettons, après 12 minutes, tu sais qu'il est rendu telle heure parce que c'est rendu à telle chanson. Ça peut être le fun. Comment se débarrasser d'un hockey? C'est de retenir son souffle, si on le savait, mais d'avaler 3 fois. OK. Tu retiens ton souffle et t'avales. Faut faire les deux. Faut faire les deux en même temps. Il y en a qui vont boire avec une cuillère dans un verre d'eau. Pas sûr de ça. Alors j'adore cette idée-là. Coupez des fentes dans votre corn dog. Tu sais, corn dog, c'est un pogo, genre. Oui. Et remplissez de condiments. Oh. Pour vrai, à la place de tremper à chaque fois. oui! Mélange du ginger ale et du cidre de pomme pour une délicieuse boisson gazéifiée à saveur de tarte aux pommes. Cidre de pomme et ginger ale. Pour vrai, faut essayer ça. Si tu passes ton crayon à quelqu'un, oui. On le fait souvent, OK? Garde le capuchon, OK? Parce que personne ne va partir avec un crayon avec la main exposée. Non. Tu vas te beurrer. Voilà, donc il va te le redonner parce que tu as gardé le capuchon. Ça, c'est vraiment le conseil, je pense, que je vais retenir de la chronique. C'est de jamais donner ton capuchon. Ça, c'est évidemment pour les stylos qui ont un capuchon. Oui. Avant de te saouler, ça, j'aime ça. Avant de te saouler, mets ton, change ton mot de passe de ton téléphone cellulaire pour ta genre plaque d'immatriculation. Tu sais, quelque chose de vraiment difficile à retenir. Ça va t'empêcher de faire des drunk dial ou des drunk message, text message. Mm-hmm. Bonne idée, parce qu'il va falloir que tu réfléchisses. Puis quand t'es sous, tu penses t'es comme... Tiens, pour résoudre, tu sais, dans le journal, mettons, tu vas avoir deux images qui se ressemblent. Il faut que tu trouves les sept erreurs. Mettons, oui. Croise tes yeux. Les deux images vont apparaître une par-dessus l'autre et tu vas voir les différences presque instantanément. Oh, c'est de la triche. Comme dans le temps, chez les livres là, où tu pouvais voir en 3D. Là. Tellement. Ça marche pas pour moi, ça. Pas capable. Non? Non, mais tu sais, moi et la 3D en général, les télé 3D, la Nintendo 3DS, ces dessins en 3D-là, moi, je vois pas de la misère, ça marche pas. Je vois double tout le temps. Peu importe la profondeur. T'sais. Mais bon, j'ai les yeux croches, faut croire. Puis au cinéma? Non, j'ai vraiment pas aimé ça. J'ai regardé un film au complet avec des lunettes 3D d'en face. Puis non, j'ai suivi l'action, là, mais j'ai pas eu de fun dans ma tête. Ah non? Ça lève le cœur un peu. Tiens, tantôt, on a parlé de comment arrêter de pleurer en se sacrant la tête dans le congélateur. Oui. C'était génial. Pour pleurer sur commande. Tu sais, de pleurer juste comme on te demande, veux-tu pleurer? Pleure, ben pleure. Relaxe tes yeux pendant environ 30 secondes. Ensuite, frotte-les pendant 10 secondes. Et ensuite, ouvre-les sans cligner et tu devrais commencer à pleurer. OK, comment on fait pour se relaxer les yeux? Ben, tu fermes les yeux, tu penses à rien, tu déstresses. 30 secondes, c'est un peu long à radio. Ben. Oui, Mathieu, tu pleures? Mathieu, tu pleures! Mais non, un bon conseil. C'est sûr que si tu veux pleurer pour faire à croire quelque chose, mettons, tu sais, larme de crocodile, mettons, à ta blonde ou peu importe, peut-être que fermer les yeux pendant 30 secondes et les frotter pendant 10, c'est pas nécessairement subtil. Non, tu vas faire pipi. C'est ça, oui, il faut faire pipi. Va te chercher encore un autre Häagen-Dazs dans le congélateur. Mais sinon, mets-toi-le dans l'œil. C'est ça. Ah, il me semble que tes larmes sont beiges. Oui, ça goûte bon. Ça goûte la vanille. tiens, t'as de la super colle sur tes doigts. Oui. De la grosse colle. T'as bricolé, t'es un grand scrapbooker. Tu sais, pas un scrapbooker. Un gros scrapbooker, puis j'utilise la colle forte. Là. C'est ça. Ça sent fort. Utilise du papier sablé. Okay. Pour enlever ta colle qui est pognée après tes doigts. Papier sablé. Tu pourrais aussi peut-être perdre tes empreintes digitales, commettre un crime, tu seras jamais pogné. Voilà. Ensuite, allumer tes lumières. Les lumières, les headlights sur une voiture, les lumières. Les hautes, hein, c'est ça? Oui. Les hautes. Les... Je sais hautes. Oui, c'est ça. Les hautes. Ça peut augmenter ta perception des profondeurs. Peut-être que moi, je pourrais regarder un film en 3D si je stationnais mon char. Si t'étais assez haute. C'est ça, si j'étais assez haute. Exactement. bref, ça peut améliorer ta perception de la profondeur et t'aider à être un meilleur conducteur, même si on est le jour. OK. Donc, on nous dit, même le jour, allume tes hautes. Qu'on nous dit. J'ai pas de char. Je ne fais que vous relayer l'information. Quand t'es malade, j'adore ça aussi, attache une boîte de mouchoirs vide à ta boîte de mouchoirs pleine. Pour les mouchoirs pleins. Pour les mouchoirs pleins de d'autres choses. Mm-hmm. C'est une bonne idée. Moi, j'utilise les sacs d'épicerie. Oui, bonne idée. Souvent. Oui. Les ziplocs. Quand je les oublie, là, oui. Mes sacs réutilisables. Ben, moi, je les jette à terre et ça me fait retracer mon chemin à la fin de la journée comme dans une série à tête. Suis le chemu. Le vaginisme mucus, comme on a parlé en début de semaine. Exactement. Ah tiens, ça c'est intéressant, un petit calendrier ou une charte, un tableau, je dirais, ce serait plus beau, un tableau, du temps que ça prend pour décomposer un objet ou quelque chose comme ça. Par exemple, je ne les ferai pas tous, mais une serviette de papier, donc un Scott Towel, entre 2 et 4 semaines à décomposer. Ensuite, là, on va y aller dans ce qui prend, mettons, pardon, moins de 2 mois. Pelure de banane, sac de papier, un journal, un cœur de pomme et du carton. 3 mois pour du coton, 6 mois pour des pelures d'orange, 1 à 3 ans pour du plywood, des bas de laine entre 1 et 5 ans, carton de lait 5 ans. Ça, un carton de lait, là, c'est à cause c'est ciré en dedans. Ah ben oui. Ça se recycle mal, pas mal aussi. Bottes de cigarettes, là, des vieilles cigarettes, entre 10 et 12 ans, imagine. Ah. Je pensais pas que ça serait si long. Moi non plus. Et là, on avance dans vraiment les affaires qui ne se dégradent, décomposent presque jamais. Souliers de cuir, 25 à 40 ans. Canne d'acier, donc dans le fond, une conserve, 50 ans. des verres de plastique en siromousse 50 ans. Wow! Smell de bottes de caoutchouc 50 à 80. Contenant de plastique 50 à 80. Canette d'aluminium 200 à 500 ans. Bouteille de plastique 450. Couche jetable 550. Ligne à pêche monofilament 600 ans. Et sac de plastique entre 200 et 1000 ans. Wow! Wow, en effet! 200 à 1000 ans, sac de plastique. J'aurais jamais, jamais imaginé ça. Mm. C'est quelque chose, faites attention. Ça. C'est pour ça que les gens se chialent parce que bon, il faut jamais de mes sacs dans ma voiture, j'oublie tout le temps. Mais Colin. Colin. T'imagines comment il y en a des sacs de plastique dans les... Moi, quand je les oublie, je prends des sacs en papier. Oui. Il y en a encore. C'est vintage, rétro, tu vis quelque chose. Oui, à chaque fois. Tu vis comme tes grands-parents. Avant de manger manger des mangues, avant de fumer de la marijuana, ça peut améliorer son effet. Manger des mangues. Oui. Conseil comme ça. Ben voilà. N'utilisez pas d'adoucisseur à tissu sur les serviettes parce que ça va enduire les fibres d'une fine cire, ce qui va les rendre moins absorbantes, tes serviettes. Pas d'adoucisseur à tissu. Ensuite, les produits chimiques dans le Coke Diet affectent ton corps et ça fait que tu vas retenir plus le sucre. Donc, le sucre que tu vas manger autour de ton Coke Diet dans ta vie. Donc, c'est vraiment très, très inefficace comme substitut pour du vrai Coke parce que tu vas comme plus coller au sucre au du reste sucre de la journée. Fait que non, mais pour vrai, Coke Diet, moi, j'aurais jamais, encore une fois, pensé que ça avait autant de désavantages. Oui. Ça, et certains disent le cancer, mais il n'y a pas de médecins qui ont encore prouvé ça, à ce que je sache. Lorsqu'un représentant des services à la clientèle te met en attente, sache, et là, je trouvais ça un petit peu évident, là, j'espère que ce n'est pas trop, là, mais qu'ils entendent tout ce que tu dis, à moins qu'il y ait de la musique. OK. Quand tu es au service à la clientèle, souvent, ils vont te mettre sur mute pour parler à quelqu'un, mais si tu n'entends pas de musique, c'est qu'il est encore dans son oreille. T'es encore dans son oreille. Un peu comme David. Un peu comme David, la langue dans ton oreille. Oui. C'est exact. Pour économiser de l'argent. Non, ça, j'aime pas ce conseil-là du tout. Je vous le recommande pas. Je vous ne le recommande pas, mais comme je l'ai commencé, je vais le dire. J'aime vraiment pas ce conseil-là. Oui, pour vrai. Et on m'a toujours dit de ne pas penser comme ça, en fait. Pour économiser de l'argent, on dit pense à ton argent comme à des heures de travail à la place des dollars. Mais si tu commences à penser comme ça, tabarnouche. Oh, mon épicerie, elle m'a coûté 15 heures de travail, mettons. Pense c'est pas déprimant. De même. C'est vraiment pas le fun. Ah, mon café, il m'a coûté genre. Ouais, pas obligé, ça serait trop précis pour ton salaire exact. Ouais. Si tu pris ton café puis en termes d'heures, on va savoir exactement combien tu fais. Mais bon, c'est comme tu veux. Pour prévenir la rage au volant maintenant, ouais. Couvre ton volant de plastique bulle. C'est le fun. Ouais. C'est le fun. Ensuite de ça, cheat pour un oreiller. Tiens, c'est un oreiller plat. Mais là, au soleil, c'est un oreiller, mais là. Au soleil, pendant 30 minutes, le soleil va absorber l'humidité et va remettre un petit peu ton oreiller en forme. Tu utilises ça en même temps. Et là, ça nous dit dans le conseil, pensez-y en même temps. Regardez le coussin et pensez à ce que vous avez fait dans votre vie de bien et de mal. Réfléchissez à votre vie pendant que vous regardez votre coussin. Fluffy! J'aime ça. J'aime beaucoup la dernière fois. J'adore ça si tu vas à Disneyland et que tu rencontres les personnages de Toy Story. Tu sais, il y a tout le temps des gens déguisés en personnages de Disney. Si c'est pas les vrais? C'est pas les vrais. Oh. Mais ils vont essayer d'avoir la vraie parce que si tu cries « Andy s'en vient », comme dans Toy Story, les gens qui jouent les personnages vont tomber à terre, vont faire comme s'ils étaient des poupées. Oh. C'est cute, hein? T'es sérieux? Oui, à Disneyland. Devant les personnages de Toy Story, tu dis « Andy s'en vient ». Poum! Tombe à terre. Puis après ça, tu prends leur portefeuille. Come on. Come on. Et on va se quitter là-dessus avec la dernière phrase à retenir. C'est comme un genre de petit slogan comme de fin de chronique. Ça tombe drôle parce que j'avais pas prévu ça du tout. La clé de l'échec est d'essayer de faire plaisir à tout le monde. Oh. Quand t'essaies de faire plaisir à tout le monde, tu finis par pas avoir le plaisir. Ah, c'est fort! Voilà. Voilà pour les instructions d'assemblage. Magnifique. Beau moment. Se mettre de la tête dans le congélateur. Oui. Aussitôt qu'on a fini l'émission. Oui. Pour pas pleurer, c'est ça. Au retour, la chronique de Joanie Gagnon. Oui. Alors, on sort. Alors, restez là. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon, donc, c'est toujours à Assemblage requis ce jeudi 26 septembre 2013. Jean-Philippe Charbonneau est devant moi. Mathieu Plante aussi. Oui. Dans quelques secondes, on va parler avec Joanie Gagnon pour parler des sorties qui s'en viennent en région et ailleurs. Dans Alors, on sort. Mais je pense qu'avant ça, on se garnit des hand claps. OK? Tout de suite. T'as arrêté pas mal... C'est comme dans un spectacle, je suis le dernier à arrêter d'applaudir. Oh, mais c'est parce que j'aime ça. Le nom de la chanson? Oui. Oh, j'applaudis bien, bien vite. Prends-moi un instant dans tes bras. Je me sens libre, peu importe où l'on va. Car avec toi, le monde n'existe pas. Tracas. Prends-moi ces pouces que j'aime ça. Quand tous les deux on rit aux éclats. Et tout d'un coup, on d'un iota que c'est marrant et tellement dans le vent. Le jour, la nuit, je ne pense qu'à toi. Je me sens vide quand tu n'es plus là. Le temps s'arrête, plus rien ne va. Les larmes tombent, je sens mon cœur qui bat. Prends-moi ces pouces que j'aime ça. Quand tous les deux on rit aux éclats. Et tout d'un coup, les hand claps, c'est la pièce « J'aime ça » à Assemblage requis, hein, JP? Oui, monsieur. J'aime ça. J'aime ça. Jeu de mots facile. Ouais. Je frappe pas si vite que ça, mais c'est que dans un spectacle, quand tu frappes bien vite, tu fais remarquer. Fait que là, le chanteur fait comment, regarde ça? Puis là, tu gagnes des t-shirts. C'est ça. Et voilà. Ouais! Maintenant, tiens, Joanie Gagnon, on en parle depuis tantôt. Ben, elle est arrivée, voici sa chronique. Alors, on sort. Ah, salut Joanie! Salut, ça va bien? Ça va toi? Oui, ça va très bien. Bon matin à toi, bienvenue parmi nous encore une fois. Merci. On parle d'art et spectacle et de sorties à faire. Et on commence ça avec Around Joshua, un band de Trois-Rivières que vous connaissez sûrement, qui vont être à la Chasse Galerie ici à l'UQTR ce soir avec Angel at My Table, qui sont un band de Luxembourg. OK. J'ai fait une petite recherche et c'est dans le cadre de leur tournée canadienne. Donc, ils s'arrêtent à Trois-Rivières ici même. Ça vient de loin, ben oui, quand même. Mais ça vient de loin. C'est du ciel, je parle. Oui. Les anges. Oui. À ma table. C'est vrai. Merci. Ils ont peut-être entendu ça. Peut-être. Ils sont comme cool. Salut. On les salue. Donc, c'est ça, c'est gratuit en plus et c'est à 21h ici à la Chasse Galerie. Aussi, je vous parle, il vous reste seulement aujourd'hui pour aller à l'Observatoire du Cégep de Trois-Rivières. C'était du 25 juin au 26 septembre. Donc, ce soir, pour ceux qui ont envie d'aller voir ça, beau temps, mauvais temps, les activités ont lieu quand même. La soirée débute à 20h avec une présentation multimédia. C'est 10$ pour les adultes et 2$ seulement pour les enfants. Donc, amenez vos enfants. Pas cher, pas cher. Ouais. T'as le choix entre ça, puis il y a une petite bulle de plastique dans un centre d'achat, tu mets 2$ dedans, puis ça sort. Ouais. Alors, ça va aller là à la place. Ouais, les enfants. Ou deux grosses gommes pas masticables. Genre, casse-gueule. Ouais, comment on fait pas ça des enfants. Amenez les enfants. Il y a aussi le Salon des 23 Rivières. C'est ce vendredi 27 septembre. C'est la 22e édition. Ça se passe au 4 Léopold Gagnon de l'UQTR. En prévente, les billets sont à 20$ et à l'entrée, 30$. Donc, Il y a aussi des activités spéciales. Vous pouvez aller voir les détails sur leur site web. Et ça, c'est pour encourager les patriotes. Les PACS. C'est ça. Équipes sportives de l'UQTR. Le site web, il se trouve facilement sur le lien du blog En tête de l'UQTR. Vous allez trouver ça super facilement. Très gros événement quand même, hein, pour le Salon des vins. Le gratin va être là. Oui. Il y a aussi la journée de la culture du 27 au 29 septembre. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est 3 jours d'activités interactives, de découvertes dans le fond des arts et de la culture. C'est offert gratuitement dans plusieurs, partout au Québec. À Trois-Rivières, il va y avoir entre autres des ateliers de danse hip-hop, des démos de tam-tam. Il va y avoir un spectacle de la Ligue d'improvisation de la Mauricie. Il y a aussi la projection du film Sarah préfère la course au Ciné-Campus. Il y a plusieurs activités comme ça un peu partout. C'est un super grand événement culturel. C'est autant dans les petites que dans les grandes communautés au Québec, dans 350 communautés d'ailleurs. Donc, si vous voulez aller voir ça, ça va être, c'est ça, un peu partout à Trois-Rivières. Vous pouvez aller sur journeedelaculture.qc.ca, journée avec un S. Vous allez avoir toutes les informations. Peu importe la ville. Exactement. Oui. Peu importe la ville, c'est partout au Québec. Sinon, ce soir, toujours le 26 septembre, la tournée 2013 du festival Regards sur le court-métrage au Saguenay s'arrête au Centre culturel Pauline Julien. C'est une sélection des meilleurs courts-métrages, dans le fond, qui ont remporté des prix ou des mentions lors du dernier festival. Donc, pour ceux qui aiment les courts-métrages, qui sont passionnés du cinéma, ça peut être une belle occasion de découvrir des nouveaux courts-métrages réalisés par des artistes super talentueux. Donc, c'est à 19h30 et c'est 6$ seulement au Centre culturel Pauline-Julien. Il y a aussi la 18e édition du FIMU, le Festival international de musique universelle. Donc, c'est des musiciens de niveau international qui vont être du côté de l'atelier Select à Trois-Rivières. Il va y avoir aussi des artistes de la Mauricie et de partout au Québec. Donc, évidemment, c'est pas de la musique populaire. Ça va être... il va y avoir une violoncelliste et une harpiste, plusieurs artistes comme ça. Puis, il termine la soirée avec un hommage à Frank Zappa. Donc, pour ceux que ça peut intéresser, c'est samedi le 28 septembre à 19h30. C'est 13$ à la porte et 10$ en pré-vente. Vous pouvez aller sur ateliersilex.info pour plus d'informations. Tout à fait. Et c'est une bonne façon pour vous d'ouvrir vos horizons. Exactement, oui. À outrance. Ben ça, c'est un extrême. Là. Extrême. Elles n'ont jamais été ouvertes comme ça aux horizons. Oui, c'est sûr. Ouvert, c'est un horizon, j'imagine? Oui, ouvert. Un horizon. Je sais pas. Ouvert. Mais c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Ça vaut quand même la peine d'aller voir. Si vous n'êtes jamais allé, là, ça vaut la peine d'essayer. Juste pour peut-être découvrir même d'autres choses. Ouais. Exact. Et c'est fou et partenaire avec le film aussi. Oui. Cool. Et aussi, je vous en parle tout de suite parce que ça va avoir lieu mardi prochain, le 1er octobre. Rocktoberfest. Ça va être le punk celtique qui va être à l'honneur. Donc, un hommage à Flogging Molly. Ça va être au coût de 5$. C'est à 21h. Et à noter aussi que du 30 septembre au 5 octobre, c'est l'Octoberfest au Gambrinus. Donc, il va y avoir plusieurs activités. Vous pouvez aller voir sur la page Facebook du Gambrinus pour plus de renseignements. Tout à fait. Oui. Et en dernier, je vous parle ce soir au Nord-Ouest, donc jeudi le 27 septembre, les Frères 26. d'Ancre. Le 26, c'est vrai, hein, c'est marqué en plus. Pas grave, juste que les gens ne sont pas confus par rapport aux nombreuses reprises de tout. C'est vrai. Jeudi le 26 septembre, les Frères d'Ancre et le Nord-Ouest Café nous présentent un spectacle au Nord-Ouest. Ça va être The Beat Down, un band de Montréal, Atomic Baobab, donc du rock, funk et Jurassic Punk, qui était présent au Mardi de la Relève, si vous aviez été là. Donc, c'est ce soir à 21h, c'est 10$. Et on va se quitter avec un extrait de Atomic Baobab. La chanson s'appelle Cut It Up. Donc, il va être ce soir du côté du Nord-Ouest. Assemblage requis. Alors, on sort. Yeah. Atomy Baobab et Cut It Up. Oui, monsieur. Assemblage requis. Toujours avec Joanie Gagnon et sa chronique Alors on sort. Oui. Et reparlons du spectacle d'Atomic Baobab. Oui, exactement. Ça va être ce soir au Nord-Ouest Café. Ça va être à 21h et c'est 10$. Donc, si ça vous tente d'aller voir ça, venez faire un tour. Ça va être une super belle soirée. Fantastique. Atomic Baobab, un groupe vétéran des palmarès. Je pense que toutes leurs pièces sont passées par nos palmarès. Et vétéran aussi de ton panier de musique. Oui, merci. Tout à fait. Oui. Je le garde proche de moi, tu sais, quand on en a besoin. Oui, ça peut toujours arriver. Je me le frotte partout. Merci, Joanie Gagnon. Ça fait plaisir. Merci à vous. À la semaine prochaine, jeudi, à 9h, pour une autre chronique. Alors, on sort. Pour l'instant, ben, nous, on va continuer. Hein. Il nous reste une quinzaine de minutes. Là, c'est vraiment pas grand-chose. Pas grand temps là, à passer entre amis comme ça, comme on aime le faire. Donc, je te propose de l'entendre encore une petite pièce. Une petite pièce de musique. OK. Toutes mes affaires sont dans le chemin, mes CD. Ben oui, ben, ça peut arriver des fois, des jours comme ça. Des jours de même. Là. Mettons de Pack AD. Oui, ça me va, ça. C'est bon, ça. On va écouter Battering Ram, extrait du palmarès anglophone. Et je vous rappelle que les palmarès anglophones et francophones sont diffusés les jeudis après-midi entre 15h et 18h. Et ça repasse les dimanches à midi et du lundi au mercredi à 17h. La voilà. Plug est faite. La plug est faite. Voilà. Ouais, c'est ça. Fait que la chanson va commencer. Tranquillement. Ben, là, elle a commencé. Elle va sûrement s'intensifier. Elle continue, là. Elle continue. Là, elle continue encore. Là, elle arrête. Oh, là, elle a recommencé. Elle est traite, elle arrête, puis elle recommence. You had a moped, move you faster than that. Is my battery round? Is my battery round? Is my de Pacady avec Battery Drum. T'as-tu vu, j'ai même... Ah, je me suis élevé pour essayer de... Ah! Oui, sortir du... Ouais. Tu sais, tantôt, avant de faire la chronique de Joanie Gagnon, on était en plein milieu d'une chronique Les instructions d'assemblage, puis on avait arrêté. Puis je suis encore titillé. Moi aussi. J'en veux plus. Fait que revoici une deuxième partie des instructions d'assemblage. Oui. Ouais, mais ça marche pas. Ah. Ça marche pas. Donc, tu sais, une très bonne façon d'empêcher vos amis, lors d'une réunion de groupe, d'un souper entre amis, vous empêcher d'aller sur leur maudit téléphone cellulaire. C'est-tu fatiguant, t'es en train de manger un repas, puis ils sont là, puis il y a Instagram, là, bouffe, là, ce que ça va faire. Donc, mettez les téléphones tête par en bas, donc l'écran par en bas, empilez ça, un par-dessus l'autre, et la première personne à prendre son téléphone paie la facture, mettons. Et voilà. C'est une bonne idée. J'aime ça. Pourquoi pas? C'est toujours le gars dont la fille est enceinte qui perd. J'avais un enfant à chaque fois qu'on m'avait dit. Si vous voulez faire des choses sans que les gens vous interrompent, et là, encore une fois, un petit peu crosse la semaine, moi, je serais pas du genre à faire ça, je trouve ça un petit peu malhonnête, mais si vous voulez travailler sans que les gens vous interrompent, portez des écouteurs, même si vous écoutez pas de musique, vous faites rien, portez des écouteurs, les gens viendront pas vous déranger. Tu sais, moi, j'ai tendance à avoir l'écouteur avec une oreille à dégager. Justement, pour l'inverse. Ben, pour l'inverse, pour que si quelqu'un veut me parler, pendant que je suis en train de faire des découpages d'audio, et je vais pouvoir les voir, et je fais comme le contraire, mais si vous voulez, mettez vos écouteurs, les gens vous dérangeront pas, apparemment. Pas sûr. Quand t'es à la plage ou à la piscine, mets tes sandales par en bas. T'as le dessus par en bas. Comme ça, quand tu vas revenir pour te mettre les pieds dedans, ils seront pas brûlants. Ils seront pas trop brûlants. Ah, c'est ouais, c'est bon. Conseil qui est peut-être pas approprié un 26 septembre, mais quand même. L'été indien. L'été indien, oui. C'est rendu, c'est raciste, ça paraît. Non, excusez. Les Redskins, ils changent de nom à cause de ça. pour protéger, quand tu t'achètes un café chaud, tu vas avoir un protecteur, un petit cartonnet, là, genre, qui va t'empêcher de te brûler. Ben, tu peux aussi utiliser ça pour quand tu prends une slush, hein? Ah pour oui. Pour te protéger du froid. Du froid. C'est le fun, à la place de porter des mitaines tout le temps l'été. Oui. Hein? on parle souvent de s'mores dans cette chronique, les instructions d'assemblage, parce que, Colin, c'est la meilleure chose ever. C'est bon. C'est bon, t'as bonne mouche. Là, on parle de chocolat, biscuits Graham et de guimauve. Oui. Dans un autre genre, mais similaire à ça, mélanger guimauve, donc tu sais, la petite garniture à guimauve que t'achètes en pot, le fluffy, puff, je sais pas quoi, bon. Nutella et beurre d'arachide. Oh. Ensemble, sur n'importe quoi. Juste mélanger l'ensemble. On nous dit ici de le prendre juste à cuillère. Comme une tartinade. Comme une tartinade. Ça pourrait être sur un craquelin. Ça pourrait être sur de la crème glacée. Un peu n'importe où. Finalement. Même dans poutine, ça. Ah ouais. Ah ouais. Poutine, beurre de pin, guimauve, chocolat. Menum, menum. Il n'y a rien de mieux. Mesdames ou messieurs qui portent une sacoche, là, ça se peut. Donc, si votre sacoche, si vous la mettez dans votre chariot quand vous faites l'épicerie, OK, cliquez la petite ceinture pour enfant bébé à travers la ganse ou la poignée de votre... La ganse. La poignée de votre sacoche, la ganse de votre sacoche. C'est tout petit, tu tiens ça comme... Oui. Évidemment, et comme ça, personne ne va pouvoir voler votre sacoche. Ou si quelqu'un le fait, il va partir avec ton panier. Il y a ça. Hein. Tu vas pouvoir le suivre au bruit. Ou si t'es chez Dollarama à cause du petit bâton, là, oui. Le petit bâton vertical, ils pourront pas sortir. Non. Impossible! Manger une orange avant de vous entraîner. Non seulement est-ce que ça va vous tenir hydraté, mais aussi ça va empêcher vos muscles d'avoir mal après. Vous n'aurez pas autant mal aux muscles. Vous mangez une orange avant de vous entraîner. Magnifique. Si tu veux télécharger une vidéo YouTube en tant que MP3, on a déjà parlé de Huff Liberty. Là, oui. Pas Huff Liberty comme dans David Hasselhoff. Là. Juste off comme le mot off. Pas de H. Je mets des H partout en anglais. Huff Liberty. Bref, je vous ai déjà parlé de huffliberty.com et je vous le répète là pour que vous le notiez si vous ne l'avez pas. Vous pouvez convertir du Bandcamp, SoundCloud, YouTube en MP3. Mais si c'est seulement YouTube que vous voulez faire et vous voulez pas vous casser la tête en allant copier-coller un lien, mettez listen to après les trois W points. Donc www.listentoyoutube.com et le reste de l'adresse. Vous ajoutez listen to avant le YouTube. Puis ça marche? Ça marche pour faire un MP3, j'ai essayé hier. Wow. C'est le fun, hein? listentoyoutube.com. Génial. Tiens, c'est une image ici, donc un petit peu difficile à expliquer, là, mais bref, c'est la grandeur, la longueur des engins masculins à travers le monde. Okay. Et là, si je me rapproche énormément de mon écran, je devrais pouvoir vous dire quelques petits faits là-dessus. Par exemple, si on regarde, et là, c'est vraiment en forme de ventilateur que c'est inscrit sur la petite image. Donc, en Corée du Sud, en moyenne, l'engin mesure 3,7 pouces. Et là, ça monte un petit peu en Inde, en Chine, en Irlande, aux Pays-Bas, Après ça, ça va au Danemark. Et là, ça, le graphique est drôlement fil. Mais aux États-Unis, c'est 5,1 pouces la longueur moyenne. Russie, 5,2. Cherchons le Canada un peu. Canada, bonjour le Canada. Je pense qu'ils n'ont pas mis le Canada. Oui, il est là, 5,5. Oh, attention! Oh. On a 0.4 pouces de plus que les États-Unis. Yes, enfin, on gagne. On gagne. Le plus long, et là, on ne parle pas du tout de largeur parce que tout le monde est représenté pareil en termes de largeur sur le graphique, là. Mais le plus long, on va y aller par, par le plus long, 7,1 pouces. C'est quoi, selon toi? Afrique. C'est le Congo. Congo. Congo. Ensuite, Équateur, Belgique, France, 6,3. Italie, 6,2. Brésil, même chose. Égypte, même chose. Danemark, 6 pouces. On descend en Suède, 5,8. Grèce, Écosse, Chili, Israël, Allemagne, Norvège, Turquie, Royaume-Uni. Là, on revient au Canada. Wow. Magnifique, hein? Quand même. Allez voir le dessin, le petit graphique sur assemblagerequis.com. Se fait une entrevue par téléphone. Oui. Pour un emploi quelconque. Faites l'entrevue en vous regardant dans un miroir. Là, vous êtes live avec la personne au bout du fil. Vous faites ça dans la salle de bain. Ça sonne écho. Ça sonne écho. Oui, ça vous donne une belle voix là, profonde, caverneuse. Et vous allez être surpris. Vous allez être pas mal meilleur. Parce que vous allez vous suranalyser. OK. Donc, vous allez vous améliorer en vous regardant. Pendant l'entrevue. C'est une bonne idée. Toujours une entrevue, tiens, pour un emploi dans un magasin. Habillez-vous plus ou moins comme les employés qui travaillent là, mais pas exactement. Comme ça, ils vont voir de quoi t'aurais l'air si t'étais un employé, ça va dire. Tu sais, mettons, tu vas chez Future Shop, je sais pas, tu portes un chandail rouge avec un collet. Avec des pantalons beige. C'est ça. Mais pas le chandail. Non. Similaire à. Ouais. Tel que vu à la télé, tu sais. Mettez votre lit. Si vous voulez déplacer les meubles, tu sais, on aime ça, changer meubles de place, hein, comme changer les chaises de bord sur le Titanic. Tous les jours. Tous les jours. Donc, mettez votre lit à un endroit qui, le matin, reçoit beaucoup de soleil. Ça va rendre votre réveil beaucoup plus le fun. Oh. Tu sais, à la place, mettons, d'avoir un cadran qui fait... Moi, je suis pas d'accord. Pas d'accord? Non. C'est plate de se réveiller avec le soleil dans les yeux. C'est plate de se réveiller. Pour toi. Oui. Oui. Ensuite de ça, tiens, vos amis, encore une fois pour un emploi, demandez à vos amis d'appeler vos références qui sont sur votre CV avant de les utiliser comme référence. Comme ça, vous allez savoir ce que l'employeur dirait à votre sujet. Tu sais, votre ami se fait passer pour « Ouais, j'ai quelqu'un ici qui cherche un emploi chez moi. Il a déjà travaillé chez vous. Qu'est-ce que vous en pensez? » Vous allez savoir. Comme ça, vous allez pouvoir choisir vos meilleures références qui donnent un meilleur avis sur votre propre personne. Écoutez votre genre de musique préférée à chaque matin, pas à chaque matin, mais à chaque jour, à chaque fois que t'es heureux. À chaque fois que t'es heureux, t'écoutes ton genre de musique préférée. Comme ça, quand tu te sens déprimé, t'as juste à écouter cette chanson-là. Et voilà. Mm-hmm. Et vous remettre dans le mood. C'est magique. C'est le fun. La musique, ça aide la vie. Ça. Oui. Ensuite de ça, votre ami a laissé son Facebook connecté. Ah, ça peut arriver. Ah, ah, ça t'arrive, toi aussi, dans le studio. Tout le temps. Je te le dis de même. J'ai rien fait à date, fait que je suis fin avec toi. Ouais. Donc, changer leur visibilité. Je t'ai même déconnecté. Ah, oh, quelque chose. Je suis de même. Donc, changer la visibilité de leur post, OK, pour que personne ne les voit. Tu peux faire ça, genre, quand tu. Par défaut, dans les accès, dans les trucs de sécurité, tu peux faire genre personne. Va voir tes statuts, OK? Ça sert à quoi avoir un compte Facebook? Ben, genre, pourquoi? Je sais pas. Mais bref, ça va faire qu'ils vont virer fou tes amis parce que il y a personne qui va commenter ou jamais liker leur statut. Ils vont faire « J'ai plus d'amis! » Non, tout le monde se fout de moi. C'est drôle. Oui. Quand tu conduis, recule ton siège le plus loin possible tout en étant encore capable de toucher aux pédales, évidemment. Ça va t'empêcher, t'empêcher de faire de la vitesse. Quand t'es trop proche des pédales, t'as tendance. Ouais. Je comprends. Ça va arrêter ça. On entend-tu, moi? Moi, je pense que j'entends. Ouais, ça me rappelle la belle époque de la construction en dessous de nous. Mais là, c'est fini. C'est fini, ça. On la provoque. Ça, oui. Ça nous mettait dedans le matin. Ah oui, ça réveille. Mets un lighter, un briquet, à côté d'une balle de ping-pong qui a une petite bosse vers l'intérieur. Ça va faire... Oui, j'ai déjà entendu ça. Ça a l'air que ça marche très bien. Bon, ben, tu vois, je dis pas n'importe quoi. Non. Je pense des fois que je dis n'importe quoi. si tu veux amuser un chat... Donne-le, tu sais, un sac de papier, c'est le fun, un sac de... Bon. Tu peux aussi leur donner un cube de glace. Ils aiment vraiment ça parce que c'est mouillé. Fait que là, ils jouent avec, c'est vraiment divertissant pour les chats, un cube de glace. C'est vrai. Mets des frites dans ton hamburger, OK, et des chips dans ton sandwich. Ça, moi, je le faisais à l'époque dans mon spaghetti, je mettais des chips. C'était cœur. Ouais. Cœur. Mais donc, des chips dans un sandwich, ça aussi, je l'ai déjà fait, et c'est en effet magnifique. Mais des frites dans l'hamburger, j'avoue que c'est hot. Mm-hmm. Tu sais, il y a des burgers aux rondelles d'oignon. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas aux frites? Tout à fait. Ou des chips? Il y a à Shawinigan, à la cantine, là, c'est sur la Main, c'est la 5e avenue. Il y a des cantines qui font ça. Eux, ils appellent ça un Michigan. Mais tu sais, c'est pas le Michigan, le hot dog avec la sauce à spag dedans. Ouais, pourquoi l'appeler d'un même nom, même galop? Ben, eux, ils sont convaincus que c'est comme ça que ça s'appelle. OK, parfait. Je me suis déjà ostiné. Puis, dans le fond, c'est un méga gros hot dog avec une sauce maison, puis ils tirent les frites dedans. Aïe, aïe. C'est dommage génial. C'est génial. Ben là, à Shawinigan, ça amène. Mm-hmm. Road trip. On y va. Road trip. finalement, deux derniers. OK. Avant de donner des conseils à quelqu'un, et là, c'est très, très genre, c'est super zen feng shui. Avant de donner des conseils à quelqu'un, demande-toi dans ta tête, est-ce que tu penses que cette personne-là veut de mes conseils? Ah. Parce que des fois, conseiller des gens, il y en a qui le prennent mal. T'sais. Ouais. Surtout quand tu leur dis comment faire leur job. T'aurais pu faire ça de même? Ouais. C'est ça. Un peu, des fois, c'est insultant. Fait que pensez-y un petit peu. Comme ça, c'est ce que j'ai trouvé sur Internet. Et finalement, pour rester motivé quand tu as un but dans la vie, dis à tout le monde que tu vas le faire. Parce que la peur de l'échec juger, mais oui, ben oui. va te garder focusé sur ton but. Et voilà. C'est beau, hein? Donc, on finissait philosophique un petit peu. Là. Pour les instructions d'assemblage. J'allais mettre ma tête dans le congélateur pour éviter mes larmes. Donc voilà pour ça. Et puis voilà pour l'émission d'aujourd'hui et de cette semaine. C'est comme ça que ça se termine. En beauté, toi. Mm-hmm. Ben oui, en beauté. Donc on remercie David Ferron. Oui. Pour la langue dans ton oreille. Joanie Gagnon. Oui. Pour Alors on sort. Merci à toi, Jean-Philippe, d'être venu aujourd'hui. Merci à toi, Mathieu, de m'avoir accueilli aujourd'hui. Toujours là. Toujours. Mm-hmm. On se retrouve lundi. Et à l'émission lundi, on a quelques chroniqueurs assez sympathiques avec nous. On va avoir en premier lieu un membre de la Luître pour parler d'improvisation. Oui. Ensuite, Laurent Constantin et son éditorial Voyage au centre du campus. Et pour terminer, Maxime Tanguay de la musique pour étudier dans Jus-tu de temps pour une chronique. Voilà. C'est lundi. L'émission est entre 6h30 et 9h30 en direct à 7h30. Passe une très belle fin de semaine, Jean-Philippe. Toi aussi, Mathieu. Restez là pour le dîner de con à 11h. Moi, je vais être de retour à 15h pour les palmarès C'est fou avec Stéphanie Paradis. Oui. Ciao. Ciao, bye.